C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, à Assemblage requis. On célébrera le retour d'une amie de longue date avec sa nouvelle chronique sur les séries télé. Et on goûtera une de nos choses préférées au monde dans une grosse pointe, à l'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 14 septembre 2017 à 225 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. On est dans les studios de C'est fou à Trois-Rivières, le seul, l'unique. Et c'est pas si pire, Mathieu, ce matin. C'est pas pire. Je pense que j'entends... À l'extérieur. J'entends quand même, il me semble, les cornes de brume un peu un derrière. Un petit peu. Ça, je pense qu'elles sont pas mal présentes. Ouais, quand même. Ah. Ouais, ouais, non, ouais, c'est ça. C'est subtil, ce mais on les entend quand même de... Je me suis levée ce matin et j'ai fait un petit peu sourd. Je croyais qu'il y avait une maison autour de la mienne qui avait comme brûlé. Ouais. Mais non, finalement, c'est de la brume. Oui, cette nuit, faut dire que t'étais à quelques mètres d'ici pendant un bout de temps. Hier, ouais. Apparemment... Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille pitié de toi ce matin. Oui. Mais t'es resté à la chasse-galerie hier. Oui, mais je suis pas partie très très tard, mais il y avait tellement de monde. Ouais. Je dois dire, Mathieu, que j'étais avec une de mes amies. Mm-hmm. Et c'est une des premières fois où on était... Tout simplement en rentrant, déjà tanné d'être là. Lynn tanné d'être là. Oui, c'est ça. Ton ami Lynn tanné, oui. Exactement. Wow, cool, t'as eu du plaisir. Et je dois faire aussi une salutation à Alex, qui nous écoute chaque matin dans sa voiture et qui était là hier soir. Enchantée de t'avoir connu, Alex. Allô? Crime, c'est le fun, ça? Oui. Rencontrer du monde demain. Je lui ai dit que oui, j'allais le saluer ce matin dans l'émission. Il m'a dit que probablement qu'il n'allait pas écouter à cette heure-là, mais qu'il appréciait vraiment beaucoup la salutation. Bonheur un peu, ça part. Ouais. Bref, dans cette journée brumeuse dans cette émission d'Assemblage requis, on va avoir des choses absolument fantastiques à vous présenter, dont le retour d'une amie et ancienne collègue de C'est fou. Stéphanie Paradis va être de retour vers la fin de l'émission pour une nouvelle chronique sur les séries télé. Donc ça s'en vient en dernière heure, la même heure qu'une grosse pointe à l'adresse. Ouais. Ah, j'ai mon produit dans mon sac et j'ai hâte parce que c'est une des choses qu'on aime le plus au monde, comme tu as dit en introduction. Ça va nous faire plaisir. La barre est haute parce que la personne qui me l'a pas vendu, mais qui me l'a fait payer. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Éducatrice là-dessus. Ah ouais? Oui, elle m'a vraiment conseillé ça. Cool. Ouais. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on a une chronique de toi, Tania, au moins, qui s'en vient. Mais en fait, on va en avoir deux. Deux? C'est maintenant chose 10. C'est confirmé. Exact. C'était pas sûr à 7h moins 1, non, mais à 7h07, ça va. Exactement. On va parler du Québec un petit peu plus ce matin. Vous allez voir, je vais pas faire une grosse chronique comme hier où je vais me défouler. Hier, c'est de l'opinion pas mal. T'as-tu couru après le trouble hier? J'ai pas tant couru après le trouble, honnêtement. J'en ai pas. J'ai plus entendu des gens me dire que j'avais raison que des gens qui m'ont dit que t'avais totalement tort. Ouais. T'as fait quand même plusieurs chroniques d'opinion, il me semble, cette semaine, non? Cette semaine? La ponctualité aussi, non? Oui, quand même. OK, on pourrait calculer la chronique comme étant celle d'opinion aussi. Ouais, ouais. Tu peux la rentrer dans cette catégorie-là. Mm-hmm. Et l'autre sujet? Ce matin, ça va être un petit peu le Québec, comme pourquoi on l'aime, pourquoi on le déteste parfois, et aussi, bien, les voyages. Ah! Oh, oui. On aime ça, peut-être. Peut-être qu'on va parler plus souvent de voyages cet automne. Peut-être. On verra. On va essayer. Trader. Et d'autres affaires qui s'en viennent de nouvelles. On fait des clins d'œil, mais personne ne comprend pourquoi. Ben, pour ça qu'on fait un bruit de bouche en même temps. C'est ça. Vous allez comprendre un jour. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi aujourd'hui? Pas mal d'affaires. On va sûrement faire une petite chronique dans quelques instants là. Le temps de se placer un petit peu autour de la table. C'est ça. On aime ça. On s'en va entendre Queen of Agusan, parce que t'étais la reine de la chasse-galerie. Oh boy, je suis pas la reine de grand-chose, moi, t'avoue. Non, Little Fang, tout de suite, à son la jouer. Vagesen del Norte, The Hooded Fang. Hey, Crypt est meilleur que moi, j'avais pas la fin de, du titre sur mon, mon fichier. C'est juste Queen Vagesen, moi. Ah, ben ici, c'est del Norte. Toi, t'as le kit au complet. Là. C'est ça, exactement. Wow. Ça fitait vraiment bien avec nos cornes de brume juste avant ça. Oui, vraiment. Ça débute bien l'émission. C'est calme. Oui. Très calme. Maintenant, on va se divertir en parlant de choses qui n'ont pas vraiment rapport, mais qui sont dans un ordre. Oh. Mm-hmm. Voici son foutu palmarès. Oui, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Hier, ou en tout cas, ouais, c'était hier. Ouais. On a fait une liste sur Blockbuster, si tu veux. Oui. Des faits sur Blockbuster, les clubs vidéo. On avait une petite thématique années 90, donc ça m'a inspiré à continuer un peu dans le même genre, mais avec des faits sur Starbucks. Oh mon Dieu, que t'as bien choisi ton sujet. Je le sais, parce que Starbucks, vous le savez peut-être, s'en vient à Trois-Rivières, ou en tout cas, revient à Trois-Rivières. Ou du moins, il y en a à la cafétéria. Aussi, il y en a à la cafétéria Sodexo. Bon, on lui a dit, allez-y une fois par semaine, mais encouragez la chasse le reste du temps. Exact. Ça, c'est notre technique à nous. Hein? Oui. On sait qu'avant, il y en avait un aussi à l'UQTR, pour ceux qui étaient là dans le temps, il y en avait un là où il y a le petit genre de café bistrot à côté de la cafétéria. Il y en a eu un en bas où est le type maintenant, même un peu plus loin. Il y en a eu un au Target, aux Rivières. Oh, défunt Target. Notre regretté Target. Feu Target. Ce sont les seuls souvenirs que j'ai de Starbucks, moi, dans le passé récent. Je sais pas à si à Trois-Rivières, ouais, honnêtement. Pas mal ça. Mais ça va revenir. Apparemment, qu'il y en a un qui s'en vient aux Rivières et ça a même apparemment, selon Facebook, été confirmé par un des propriétaires. Donc, Starbucks va revenir dans nos vies de façon assez intense. Et donc, partageons quelques petits faits sur Starbucks. Hein? Ben oui. Entre autres que lorsque le directeur du marketing de chez Starbucks, Howard Schultz, a visité Milan en Italie en 1983, il a réalisé que la ville avait plus de 1500 bars à café. Donc, il est apparu une belle petite ampoule au-dessus de sa tête. Et 4 ans plus tard, Schultz a acheté Starbucks, qui, avant ça, ne faisait que vendre du café moulu dans des sacs. OK. Tu ne pouvais pas acheter une tasse de café Starbucks. Tu vois, je ne savais pas. Ben moi non plus. Il a transformé ça, c'est le but de la colique, transformé ça en une opération, donc à Seattle, de 6 magasins. Et c'est devenu un phénomène global, bien sûr. Donc, quelques petits faits à ce sujet-là. On bannit les odeurs chez Starbucks. Hein? Ouais. Étant donné que l'arôme est super importante. Important? Arôme? Oui. Un arôme? Un crucial. Arôme. Un arôme. Un arôme. Ouais, on s'en fout. Donc, à l'expérience de Starbucks, Schultz a vraiment mis son pied sur la table, sa main à terre. Les points, c'est I, les barres, c'est... Non, là, tu l'as dit à l'endroit, le gag se défait. Excusez. Les barres, c'est I, puis les points, c'est T. C'est ça qu'il a fait. Donc, le magasin a banni, en fait, la cigarette à la fin des années 80 parce qu'on ne peut pas faire interférence avec l'odeur de leur bon café fraîchement moulu. Ils ont banni les cigarettes à la fin des années 80 avant que ce soit devenu à la mode ailleurs dans les commerces. Les employés se font demander, en fait, de ne pas porter de parfum ou de cologne. Ah ouais? Et ouais, et dans aucune circonstance, est-ce que du pastrami peut être mis dans le magasin pour leur sandwich? D'accord. Ça sent trop fort. Pas de pastrami, pas de cigarette, pas de cologne, pas de parfum. Mais on ne sent que le café. Et je trouve que, pour vrai, être dans un commerce qui est basé sur le café... C'est une bonne chose, tu sais. Je m'attends à ce que pas ça sente le café. C'est ça. Ensuite, la sirène, la célèbre sirène dans le logo de Starbucks. Ouais. Est-ce que tu savais qu'elle montrait un mamelon avant? Ah, non, je savais pas. Cacher ce mamelon que je ne saurais voir. Donc, la sirène sur le célèbre logo de Starbucks est supposée représenter le pouvoir séducteur du café. Avec ses cheveux qui couvrent, avec classe, tout ce qui est à cacher, hein? Lorsque Starbucks était toujours une chaîne régionale dans le Seattle des années 70, leur logo était pas mal plus kinky. Hein, la sirène avait des seins complètement exposés. Des clients du magasin ont commenté là-dessus. Mais c'est pas devenu scandaleux avant que la compagnie commence à faire des livraisons et devait mettre ses camions avec un logo dessus. Poink. Donc, tu sais, d'avoir le petit logo en avant de la boutique, bon, tu le regardes pas nécessairement. C'est qui remarque les détails dans les logos. Mais là, sur la route, ça arrive. C'est autre chose. Sur les camions, quand il y en a beaucoup, ben ça commence à paraître. Ensuite, évidemment, on voulait pas montrer de la nudité portative. Non, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a des magasins qui ont été fabriqués à partir de vieux containers. Hein? C'est des containers qu'on met sur les bateaux, entre autres. Donc, leur attitude écologique, si on veut. Plusieurs magasins ont été construits dans des containers depuis 2011. C'est cool. Oui, vraiment. Certains utilisent des drains pour amener de l'eau à la végétation autour. D'autres utilisent des matériaux locaux comme des clôtures de bois pour compléter le look du restaurant. Les devantures recyclées du magasin sont souvent service à l'auto seulement. Donc, tu peux seulement commander à l'auto. Tu peux pas entrer dedans. Les employés, j'imagine, peuvent. Il y a des caméras vidéo. Par contre, étant donné que Starbucks aime être amical avec ses clients, ils veulent que tu vois le barista. Donc, il y a des caméras et tu peux voir la face du barista dans ta voiture. Mais si tu fais une commande à l'auto, automatiquement, tu vas le voir, non? Mais fabriquer ton café. Ah, pas juste te le servir. Je comprends. Barista, comme dans la personne qui fabrique ton café, qui te fait la petite crème sur ton latte. C'est bien. C'est bien quand même. Donc, 1000 pieds carrés pour ces containers-là. Ils sont plus petits qu'un magasin typique. Et Starbucks veut utiliser chaque endroit qu'on croyait être trop petit. Ils veulent mettre des Starbucks partout là-dedans. Ensuite, on a réussi à craquer le code du café. Hein? Ouais, une maladie infectieuse, qu'on dit, je crois. Je pense que Donc, un spécialiste en maladie infectieuse, Don Valencia, niaisait un petit peu, est en train de s'amuser comme ça en 1990, lorsqu'il a développé un extrait de graines de café, qui sentait et qui goûtait exactement comme du café. Après que ses voisins n'aient pas réussi à faire la différence entre son échantillon et du vrai café, il a essayé avec un barista de chez Starbucks et éventuellement, le mot s'est rendu au placé chez Starbucks, qui ont engagé Valencia en 1993, utilisant sa découverte pour commencer à vendre plus de café. Starbucks est rapidement devenu un vendeur de café embouteillé. Oui, et de crème glacée super premium. Pendant un certain moment, il vendait même plus de crème glacée que Häagen-Dazs. Oh mon Dieu, je savais pas ça. Ouais, donc Valencia, tu connais peut-être même le nom du café Valencia. Ben, ça vient de ce monsieur, Don Valencia. Ensuite, les gérants, les managers, devaient jouer avec des monsieur patates. Pardon, pourquoi? On essayait d'augmenter l'efficacité devant de la compétition intense. En 2009, Starbucks a envoyé son haut placé Scott Hayden pour réentraîner un petit peu les gérants des boutiques Starbucks pour montrer comment les employés pouvaient couper sur le temps libre qu'ils avaient derrière le comptoir. Tu sais, des fois, les employés ont rien à faire de spécifique à ce moment-là. Donc, pour montrer... Tu passes la guenille. Ben, c'est ça. Tu fais des trucs comme ça. Hayden a montré aux gérants comment, ben, pas comment, mais à assembler un monsieur patate. Donc, le désassembler et le réassembler en moins de 45 secondes pour s'occuper. Donc, au moins un superviseur a été capable de ramasser les morceaux et de réassembler la patate en seulement 16 secondes. Ouh là! C'est productif. Puis, c'était censé faire quoi? Pour moi, je sais pas. Pour montrer que tu peux faire les choses vraiment plus rapidement et en faire plus dans ta même journée tout en étant payé au même salaire. D'accord. C'est ça. Mais ensuite, le Starbucks chez la CIA. Tu connais la CIA? C'est super secret, le Starbucks, là-dedans. Parce que la CIA, c'est top secret. Ben oui, c'est sûr. Comme la plupart des bureaux, le Central Intelligence Agency à Langley, en Virginie, fonctionne à 100% sur la caféine, évidemment, comme nous. Mais c'est pas un Starbucks typique qu'ils ont, eux, par contre. Les baristas se font vérifier leur historique, donc les background checks, qu'on appelle, et n'ont pas le droit de quitter leur emploi sans une escorte de la CIA. Oh my God, OK. Les noms des clients ne peuvent pas être criés ni écrits sur les verres dus à la sécurité. Et malgré les précautions, c'est quand même une atmosphère sociale. Selon le Washington Post, un membre clé de l'équipe a assisté pour situer Osama Bin Laden. En fait, un de ces gens-là a été recruté de chez Starbucks. My God. Donc, un des gars qui a trouvé Osama Bin Laden à l'origine, travaillé chez Starbucks, a été engagé par un gars de la CIA qui a fait comme « Hey man, toi, tu gères bien ton café, viens gérer Osama Bin Laden avec nous. » Tu m'as fait un monsieur patate en 15 secondes. D'accord. Ensuite, le code vestimentaire chez Starbucks est très spécifique. Lorsque M. Schultz a ouvert sa ligne de bar à espresso Il Giornale. Oula. Il Giornale, ça veut dire quoi, Giornale, tu crois? J'ai l'impression journal comme dans un quotidien, peut-être journalier. On va aller voir le mot Giornale. Ça veut dire journal. Bon, attends. C'est trop facile, ça, l'espagnol. J'aurais dû dire ma première idée. Journal de bord, tabarnouche. Oui. Le journal de bord était le nom de son premier bar à espresso en 1985. Il a forcé les employés à porter des nœuds papillons. Oh non! Oui, et des chemises blanches qui étaient communes en Italie. Ça, c'est pas super, les chemises blanches, c'est correct. Ça va. Les nœuds papillons. Quand tu sues, ça fait wet t-shirt un peu. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu travailles dans un environnement très, très chaud. La vapeur. Oui. La brume. Donc, le code vestimentaire, a été calmé un petit peu, mais on insiste quand même aujourd'hui sur un petit peu de conformité. Les bagues ne peuvent pas avoir de pierre dessus. Ah, OK. Les cheveux, genre mauve, rose, ces trucs-là sont pas bienvenus du tout. Ah, ouais? Non, les chemises en dehors des pantalons n'ont pas le droit d'exposer ton ventre lorsque tu te penches ou ton dos, là, tu sais, ta taille, okay, si on veut. Les trucs dans les oreilles, les espèces d'anneaux, les quartilleurs d'oreilles, oui, ça peut pas être de les plus stretchs, de. Qu'on stretch, mais, merci beaucoup. Ça peut pas faire plus de 10 mm. OK. C'est quand même. C'est quand même pas pire. Ouais, c'est quand même pas pire, 10 mm en stretch, là. C'est comme chez Blackbuster hier, quand on disait qu'ils pouvaient pas avoir les cheveux longs, mais qu'ils avaient le droit d'avoir 2 pouces en dessous de leur collet. Oui, c'est ça. Les années 90. Tu sais, 10 mm pour un stretch, c'est un stretch. Ben, tu le remarques, là. 10 mm pour un stretch, je pense que c'est. C'est un centimètre, là, quand même, pense-y. C'est ça, c'est dans les plus petits que tu peux avoir. Quand même. Je trouve que c'est un stretch et ça paraît, mais tant mieux qu'ils laissent ça lousse. Là. Exact. J'imagine qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils n'auraient pas d'employé. Je sais pas. Les hipsters, ça a des stretch. Mm-hmm. Hein? Bon. Pas de tatou dans le visage, pas de bague d'anneau ou septum dans le nez. Donc faites attention. Ensuite, le lait sans gras a donné une petite controverse corporative lorsque Howard Behar est arrivé chez Starbucks en tant que haut placé exécutif, comme on l'appelle, en 1989. Il comprenait pas, en fait, il a vu que les clients remplissaient leur carte de commentaires demandant du lait sans gras. Mais Schultz et son équipe avaient décidé qu'ils aimaient pas le goût du lait sans gras et que le lait sans gras, c'était pas italien. C'était pas assez italien pour eux, ça. D'accord. Donc, Behar disait que les clients devraient avoir, par contre, ce qu'ils demandent. Donc, les gérants ont manifesté leur pas envie de faire ça. Mm-hmm. Mais Schultz a personnellement été témoin d'un client qui est sorti du magasin parce qu'il n'y avait pas de lait sans gras. Il a fini par décider que ça se faisait. Et aujourd'hui, la moitié des cappuccinos et des lattés de la compagnie sont en fait faits de lait sans gras. Wow. Pas pire, hein? On est toujours dans la liste des faits sur Starbucks en ce moment. Et ils ont un service au ski. OK. Ou un service aux pentes, je sais pas comment l'appeler, un ski-through au lieu d'un service à l'auto. C'est les skieurs de Squaw Valley en Californie qui ont besoin de caféine. Ils n'ont pas besoin d'enlever leur équipement de ski. Le Starbucks au Gold Coast Resort est ouvert aux visiteurs via un ski-through. Ils prennent aussi les commandes via le lift aérien. Il n'y a rien de mieux que ça. Quand tu es en train de monter la colline sur le petit remonte-pente, tu peux te commander un Starbucks. Il n'y a rien de meilleur à la sortie. Ensuite, on peut avoir un frappuccino à la bière au beurre. Okay. La bière au beurre, comme dans Harry comme Potter. Dans Harry Potter. Et voilà, je m'attendais à une surprise de ta part, mais. Mais il y en a plein qui en sortent. Non, c'est attends un peu, là. Pas chez Starbucks. OK. Non, c'est vrai. Avoue que combiner le goût du Starbucks. J'avoue que là, si on me l'offre sur un plateau d'argent chez Starbucks, je vais peut-être dire oui. Enfin, je t'ai convaincu. Donc, évidemment, les fans de Harry Potter apprécient la bière au beurre. C'est pas vraiment disponible à grands endroits. Il y en a quelques places, mais il faut quand même chercher un petit peu. Oui, quand même. Et on peut demander, en fait, pour avoir une imitation d'une Butterbeer de Harry Potter, on peut demander un frappuccino avec du sirop de caramel, un drizzle, un filet de caramel et du sirop au toffee nut, donc noix et toffee. Ça va faire l'équivalent d'une bière au beurre. Donc, demandez ça. C'est chez Starbucks. Ils font les commandes que vous voulez chez Starbucks. Donc, frappuccino, sirop de caramel, filet de caramel et sirop de toffee nut. Ensuite, les tables rondes font que vous vous sentez moins solitaire, moins seul chez Starbucks. Ah ouais? Ouais, si vous n'avez pas envie de vous asseoir chez Starbucks tout seul, ben vous ne devriez pas avoir peur parce que les tables rondes, en fait, sont là pour vous aider. La compagnie croit que les tables rondes peuvent faire qu'un espace a l'air moins vide comparé au coin d'une table rectangulaire ou carrée. Ils veulent pas que tu te sentes seul. Mais j'avoue que... À Chasse-Galerie, on se sent seul puis on est deux. Non, c'est pas vrai. Non, mais quand tu regardes quelqu'un qui est assis tout seul à une table ronde, c'est moins pire que quelqu'un qui est assis tout seul à une table carrée. Il est à son affaire, on dirait. Il est comme là, il s'occupe de sa business. Exactement. Tandis que quelqu'un qui est assis tout seul à une table carrée, automatiquement, tu penses qu'il est à quelqu'un d'autre. Loser. Point, point, point. Le Starbucks de chez Disney a des tableaux magiques. Ouh. Ouh, lorsque Starbucks a ouvert chez Downtown Disney à Orlando, en Floride, certaines des caractéristiques, des spécificités de la compagnie ont été modifiées un peu pour aller avec la magie de Disney. Donc, le tableau du Starbucks a été réinventé. C'est devenu un écran tactile de 70 pouces qui peut faire un render, donc un rendu à l'écran d'illustration en temps réel. Donc, les gens peuvent dessiner à l'écran avec leurs doigts. Okay. Prendre des selfies et voir ce que les visiteurs du Starbucks de Anaheim chez Disney fabriquent. Ah, c'est vraiment cool ça. C'est malade. Ensuite, certaines boutiques ont la technologie pour faire la meilleure tasse de café possible. Ouh, d'accord. Starbucks veut te servir une excellente tasse de café. Hein? Oui, clairement. Ils sont pas commanditaires de l'émission, soit dit en passant. Non. Les employés, pour l'instant. Pour l'instant. On travaille fort. Un seul coup de téléphone, Tania. On travaille fort. Les employés ne vont jamais insérer le mot « jamais » ici en coupé-collé entre les deux. Donc, ils ne vont jamais laisser la cafetière pendant plus de 30 minutes. Donc, le café ne sera pas passé plus de 30 minutes. Et les boutiques utilisent aucun grain avec des saveurs artificielles. Mmh. Donc, la prochaine étape dans la préparation des grains serait le Clover, qui est une machine qu'on appelle propriétaire, donc qui est exclusive à une compagnie, donc qui a été créée à Stanford, l'université. Elle coûte 13 000 $ US à installer. Utilise un effet d'aspiration et un système d'élévateur pour shooter les grains de café vers le haut à des températures super précises, et le résultat apparemment est une expérience sans aucune comparaison. Mais là, je regarde la vidéo puis on dirait que je comprends pas ce qui se passe. C'est la technologie d'ingénierie. C'est ça. On n'est pas assez intelligent pour être ingénieur. Ça doit être ça. C'est ça. Si vous êtes assez chanceux pour être près de Starbucks, pour passer en voyage dans un Starbucks qui a ça, vous pouvez vous attendre à payer au moins 5 $ US par tasse pour un café aspiré et recraché. Et même si vous n'êtes pas dans un Starbucks, vous êtes peut-être dans un Starbucks. Inception. C'est comme X to the Z Exhibit. Exactement. On sait que t'aimes Starbucks, fait qu'on a mis un Starbucks dans ton Starbucks. C'est ça. Donc Starbucks est progressif, mais est aussi comme assez familière comme marque. Ils veulent innover, mais sans déranger leurs fans en tant que tels. Donc une solution a été d'ouvrir une série de magasins furtifs. OK. Qui servent du café Starbucks, mais en utilisant un autre nom. Oui, OK. Hein? Par exemple, les boutiques Avenue E Coffee, c'est du café Starbucks. Ah ouais. Les boutiques Tea in Seattle, ou Tea et Coffee and... Je pense que c'est Avenue E Coffee and Tea. Ouais. C'est pas super clair dans le texte. Non, hein? Mais d'accord. Je crois que c'est Avenue E Coffee and Tea à Seattle. Donc, ils servent du café Starbucks. Libérés donc de leur boutique, de leur enseigne conventionnelle, ces magasins-là sont super incognito. Undercover offre de la musique jouée comme ça devant public. Ils servent aussi du vin et de la bière. Wow. Et la compagnie veut ouvrir une centaine de boutiques similaires dans le futur. Donc, si vous passez par Seattle, Avenue E Coffee and Tea, c'est la place à visiter. Voilà. Il y a des restaurants aussi qui servent le café de Starbucks sans nécessairement que tu saches. Je ne savais pas. Oui, comme ici au centre-ville, à Trois-Rivières. Comment ça s'appelle déjà? Le Grill. Ah oui? Oui, le café est fourni par Starbucks. C'est une bonne idée, parce que le café qu'ils vendent à l'épicerie, Starbucks, est vraiment excellent aussi. Oui, aussi. On a déjà goûté à l'émission, je me rappelle pas si c'était avec toi, parce que le temps passe très vite. Mais on a goûté à des petits bâtonnets de Starbucks via. Mm-hmm. Et ça goûte exactement pareil comme un Starbucks. Okay. Donc, si jamais ça te tente de procurer des petits tubes de café Starbucks, sache que ça existe et tu vas juste mettre de l'eau bouillante. Mm. Et c'est génial. Voilà, je crois qu'on a du temps aujourd'hui. On a du temps, hein? Un petit peu, on a quand même du temps. On est lousse. Ouais. On est lousse. Ouais. Elle me regarde avec un regard bizarre. Mais c'est toi qui gères l'horaire. Je vais prendre le temps. C'est ça. Parce que c'est ça, ça me tente. Je me suis dit, parce que ça va ensemble, ça serait bizarre de le faire une autre fois. On a parlé de café, on vient de faire le palmarès des faits sur Starbucks. Alors, c'est juste sept petits conseils. Oui. Hein, sur les siestes. Pour faire une meilleure sieste dans la journée, regarde Tania avec sa face de « je m'endors déjà ». C'est sûr, je vais en faire une aujourd'hui. C'est comme si je t'avais choisi cette chronique-là juste pour toi. Oui, mais en fait, tu vois, ce matin, j'ai réalisé que j'avais un rendez-vous un petit peu plus tard dans ma journée chez la coiffeuse. Oh. Donc, automatiquement, je pense que ce temps-là va être alloué à une sieste. Pendant que tu vas te faire coiffer? Ah ouais. Ça va être le fun pour la coiffeuse. Donc, oui. Ah, ils ont besoin de se faire divertir. Non, mais là, c'est pas de ma faute. Là, si tu passes ton temps avec tes mains dans mes cheveux... J'avoue. C'est comme la recette parfaite pour que je puisse m'endormir. Pas faux, ça. Pas faux du tout. Bref, est-ce que tu fais des siestes fréquemment? Pas en tout. Non? Zéro. Oh, j'adore les siestes. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois que je me dis, hey, je devrais faire une sieste. Puis je la fais juste pas. La vie te rattrape et t'as d'autres choses à faire. C'est ça, exactement. J'ai pas fait de sieste encore cet automne. J'en ai fait beaucoup cet été quand j'avais mes 3 jobs. Tu vois, j'ai dit que j'allais probablement faire une sieste chez la coiffeuse. Moi, je te prédis que 75% de chances que je le fasse pas. Ah non, mais avec parler tout le long, là, t'auras pas l'occasion de t'endormir. Ouais, peut-être. C'est, en tout cas. Bref, les siestes, c'est le fun, hein, c'est le fun. Des fois, tu t'endors peut-être devant un cours, hein, peut-être au travail. On salue David Ferron. Donc... Voici des trucs pour profiter le plus possible de votre petite sieste d'après-midi. Pour commencer, siester, on va établir tout de suite le fait que siester n'est pas un mot, mais qu'on va l'utiliser quand même. C'est pas un mot. Moi, j'utilise le mot sieste bien souvent. Ben ouais, mais ben, il y a bien des mots qu'on utilise souvent, puis que la langue française refuse. Va voir, s'il te plaît. Tu fais. Là, ça m'intrigue beaucoup trop, là, ton fait que ça n'existe point. Je te donne le conseil, tu me réponds après ça. Donc, on sieste avec discrétion. Avant d'être trop confortable, on devrait garder en tête que les siestes, c'est pas pour tout le monde. Et selon la Mayo Clinic, une courte sieste ne va pas en fait faire interférence trop avec votre nuit. Mais les gens qui vivent déjà de l'insomnie la nuit ou qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit peuvent rendre ça pire en faisant une sieste. La National Sleep Foundation nous dit que de courtes siestes, ça peut aider pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut faire que ça va être difficile de s'endormir la nuit. Mathieu, selon le dictionnaire Larousse, on n'est pas quand même... C'est exactement. Siester est un verbe intransitif et... intransigeant. Ça désigne faire la sieste. Ben, Colin, tu me surprends, je suis subjugué. Donc, merci. Tu vois? Il faut siester. On n'a pas tard de... On n'a pas tard. Selon une étude de 2010... Pétard. La roue, c'est beau pétard? C'est ça. Maison qu'elle est. Peu d'heures de sommeil. Ah non. Snoozer. Oui. Une petite sieste. Chose que j'ai faite comme 14 fois ce matin. Moi aussi. C'est pas un fait sur le snooze, là. C'est juste une façon de dire qu'on va s'endormir un petit peu en début d'après-midi. Selon une étude de 2010 par l'Université de la Californie, le meilleur moment pour prendre une sieste est après le dîner. L'étude nous apprend qu'une sieste de 90 minutes, donc c'est long. C'est un cycle de sommeil complet. Ça va permettre à votre cerveau de vider la mémoire à court terme de votre cerveau et faire de la place pour de nouvelles informations. C'est comme si tout était disparu et on va passer à autre chose en 90 minutes. Alors ensuite, mettez-vous confortable. Une power nap, comme 90 minutes, on vient de le dire, peut faire des merveilles pour votre productivité. C'est vrai. Ça peut être difficile, par contre, de trouver un bon endroit légal pour dormir. Oui, aussi. Surtout si t'as pas de bureau privé, t'as pas de salle de pause, t'as pas de place pour dormir. Trouver une place qui est silencieuse et sombre est très important pour prendre une sieste efficace. Donc, portez un masque pour les yeux, sinon, des bouchons pour les oreilles, si vous prévoyez faire ça dans un bureau partagé. Là, ça va vraiment avoir l'air un petit peu fou, mais dites-le aux autres, au pire que c'est pas... Il n'y a pas de tabou là, à avoir. Là. Que vous avez besoin d'une sieste? Bonjour, David Perron. C'est ça, on va le saluer tout le long de la chronique. Évidemment, on dit ici de demander la permission de votre patron avant de dormir. On devrait s'informer. On ne veut pas genre, que vous soyez payé pour dormir non plus. Là. Mm-hmm. Hein? Ensuite, mettez-vous une alarme. Et ça, je dédie ça à quelqu'un, on nommera pas personne, personne pourra se sentir visé si cette personne-là écoute Assemblage Requis le matin, mais quelqu'un est venu au bureau récemment pour une raison quelconque, avec un rendez-vous à, mettons, 14h, et le gars ne s'est pas pointé. Okay. Et quand la personne qui le recevait en entrevue l'a appelé, il a appris que la personne faisait une sieste à ce moment-là. Non! Et la personne, non seulement le rendez-vous a été remis à 15h, mais il est arrivé à 14h45. Donc, il était en retard du premier rendez-vous et trop à l'avance sur le deuxième. Ben voyons donc! Fait que, mettez-vous une alarme. Et le gars, ça a bien été, là, finalement, ça a bien passé, puis tout ça, puis on va sûrement être bien amis. Oui, mais moi, il y aurait des chances que je ne le prenne pas juste à cause de ça. C'est ce qui a failli se produire. Donc, on se met une alarme. Voilà. Se réveiller en plein milieu d'un cycle de sommeil, ça peut causer de l'inertie du sommeil. On a déjà parlé de ça à l'émission une couple de fois. Ça peut mener à, être un petit peu grognon, hein? Grognonnerie, comme on dit. Ça peut être lent, un petit peu, comme fonction du cerveau. Mm-hmm. Donc, essayez de prendre une sieste à l'intérieur d'une certaine durée et mettez-vous une alarme pour ne pas surdormir. Certaines règles, donc, on prend une sieste entre 10 et 20 minutes pour augmenter votre niveau d'alerte et votre énergie dans le milieu de la journée. Étant donné que le sommeil paradoxal n'a pas encore embarqué, ça va être plus facile de revenir au travail sans être irritable. Entre 30 et 60 minutes pour améliorer vos capacités à prendre des décisions. Donc, c'est bon pour les étudiants qui étudient pour un examen. Hein? Et une étude de 2008 concernant les siestes de 90 minutes dont on a parlé tantôt, nous dit que ça améliore la mémoire. Donc, on a les réponses à toutes nos questions. Fait que finalement, je devrais faire plus de siestes. De toutes les sortes. Clairement. Une de chaque. C'est comme ça. Comme chez Starbucks, c'est toutes les grandeurs, toutes les savants. Pareil. Votre température corporelle, lorsque vous vous endormez, chute. Donc, prendre une petite sieste dans une pièce froide, ou en tout cas, au moins, c'est fraîche, hein, peut fonctionner très, très bien avec votre niveau de température du corps pour vous rendre fatigué. Donc, la température idéale pour vous endormir serait de 60 degrés Fahrenheit. Donc, on parle de 15 degrés jusqu'à 70 degrés Fahrenheit, ce qui nous donne une vingtaine, 21 degrés environ. Donc, entre 15 et 20 degrés. C'est bien. Baissez la température de la pièce où vous prenez une sieste au lieu de garder ça à la température normale. Moi, je garde à 23 d'habitude ma température chez nous, donc un petit peu plus bas pour dormir. C'est bien, hein? Ben, moi, c'est vraiment très rare que je vais pas dormir avec une fan. Ah, oh! Est-ce que c'est pour t'endormir avec le son? C'est des gens qui s'endorment comme ça. Hey, j'ai remarqué, honnêtement, que quand je la porte pas, je m'endors pas. Ça arrive, il y a même des applications qui imitent le son d'un ventilateur. C'est ça. J'ai réalisé ça. Cette semaine, puis je trouve ça drôle que tu dises tu le fais-tu pour le son, parce que j'ai fait « Hey, il n'y a pas le son de la fan. » Puis là, j'ai parti la fan, mais j'avais chaud aussi. Oui. Donc, c'est peut-être pour les deux. C'est une combinaison. Ouais. Et Tania pense à moi. Dans son sommet. Maintenant, je vais le faire, là. Il y a plusieurs applications cellulaires dont je viens juste de mentionner le nom, hein, qui peuvent vous aider à trouver la bonne façon de vous endormir ou le bon moment. Sleep Cycle Power Nap sur iOS vous permet de choisir une alarme pour un power nap de 20 minutes, un recovery nap de 45 minutes, et ça utilise l'accéléromètre de votre téléphone pour savoir quand vous vous endormez. Donc, vous êtes supposé porter ça dans votre poche et ça va détecter quand vous arrêtez de bouger pour vous réveiller au bon moment. Il y a Pizzizz sur iOS et Android qui va vous donner des sons de relaxation. Il y a probablement, fort certainement, un ventilateur. C'est très classique comme son quand même, ce qui réduit le stress et vous aide à vous endormir. Il y a aussi des accessoires high-tech sur le marché qui coûtent vraiment très cher pour prendre une sieste parfaite. Napwell est un masque de sommeil fait particulièrement juste pour les siestes d'après-midi. Ça vous réveille tranquillement avec un cycle de lumière à l'intérieur qui vont graduellement s'illuminer pour imiter un lever de soleil. Il y a aussi l'Ostrich Pillow dont on a déjà parlé dans une chronique, ça existe, mais ça devrait pas là, donc qui bloque la lumière à l'extérieur. C'est comme un genre d'oreiller dans lequel vous mettez vos bras et votre tête. C'est comme un capuchon, si on veut. En coussin. Mm-hmm. C'est comme un mélange entre les deux. Et puis il y a aussi Light in the Box qui offre un matelas gonflable qui va changer le siège arrière de votre voiture en une petite place pour faire une petite sieste. Et finalement, toujours dans la liste des petits hacks de sieste à faire selon mentalfloss.com, donc pour avoir un petit boost mental, un petit boost d'énergie de plus, on devrait, et là on a encore une fois déjà abordé le sujet, je l'ai essayé mais je suis pas capable de m'endormir sur commande du tout, on suggère de boire une tasse de café juste avant votre power nap. Hein? Parce que ça prend 20 minutes avant que l'énergie de la caféine commence. Donc si tu couches juste après avoir bu ton café, évidemment il va falloir que tu le bois vite en maudit. Ouais, c'est ça, hein? L'aspire. Et après ça, tu le bois froid. Tu le bois froid. Un café glacé. Ça, c'est ça. Et là, tu vas tout de suite faire un power nap comme immédiatement. Tu te couches et là, faut que tu dormes là. OK. OK. Et d'ici 20 minutes, tu vas faire ta super bonne sieste et là, ton boost d'énergie va arriver. Badaboum, badabing. Et tu vas pouvoir. Pour vrai, je serais pas capable de faire ça. Ou tu peux juste boire du café. Ouais, mais c'est supposé être encore mieux. Parce que ça booste ton power nap. Exact. Ben à cause de, comme on disait, dit tantôt, le système de prendre une sieste. Tu sais dans quel paragraphe? Il y a tellement eu de paragraphes dans cette chronique-là. Ouais, en tout cas, bref, je trouve pas, là, mais c'était la façon d'être plus focusé. Okay. Donc une sieste de moins de 20 minutes. Mmh. Voilà, le boost de caféine et le boost naturel de votre sieste vont travailler ensemble. Cuisine Fusion pour faire de vous une personne plus productive en après-midi. Voilà pour son foutu palmarès. Colin, moi je pense que c'était les deux meilleurs foutus palmarès de la semaine. Pas pire ça? Oui. Je les aime bien ceux-là. Très. Voilà. Moi aussi. Cool. On prend une pause? Au retour? D'accord. À ton tour, Tania. D'accord. Ton premier sujet, c'est quoi? Le Québec. Et le Québec. Et le Québec. Québec libre. C'est Assemblage Requis en ce jeudi 14 septembre 2017. Dans quelques instants, Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, on écoute Of Course avec Marilyn à Assemblage Requis. Notre histoire tourne au spleen, Marilyn. Toi t'as des idées pour, moi j'ai des idées clés. Tout ça sonnerait faux, il est temps de s'appeler. C'est bien ce que tu veux, non? Marie-Lée, Marie-Lée. Ça assemblage requis. Ça, c'est un nom particulièrement québécois, je trouve, Marilyn. C'est... Oui, c'est vrai, hein, quand même. C'est rare qu'on va rencontrer des Marilyn anglophones. Genre. Marilyn. À part Marilyn Monroe. C'est ça, il y en a, mais Marilyn. Marilyn. Marilyn. Je sais pas, j'essaie de trouver un lien pour parler du Québec, là. Tania is gonna entertain you. Ça a pas marché pantoute. Non, hein, je parle pas. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. T'es là qui boit du jus d'orange ce matin. Oui, ça, pour ça santé, réveille. Santé, ça réveille, on aime ça. Exact. Pas de pulpe. Non, pas de pulpe. Ah, j'aime pas ça, le jus d'orange c'est avec des pulpes. Dégueulasse. Ma mère, quand j'étais jeune, appelait ça des petits bonhommes. Des petits bonhommes? Puis je pense que ça m'a comme traumatisé. C'est comme les petits lapins en dessous du lit, tu sais. Ouais, c'est. Non, c'est. C'est cute, ça, mais ça c'est. Ça rentre pas. Plus dans ma bouche, ces petits bonhommes-là. Non. Bref, on parle du Québec aujourd'hui, j'entends dire. Oui, exactement, parce que vivre au Québec, ça amène son lot de plaisance, mm-hmm. mais aussi son lot de. De déplaisance. De déplaisance. On a comme une relation amour-haine un petit peu avec le Québec. Oui, faut pas dire trop fort. Non, c'est ça, il faut parce pas... Parce qu'il y en a qui vont être vraiment fâchés. Exactement. Tu sais, puis honnêtement, on peut pas juste baser notre relation avec le Québec sur la poutine. Non, ça commence très bien, je dois dire. Oui. C'est un beau gros point, ça pèse fort la balance. C'est un très gros point, honnêtement, parce que, tu sais, moi, je suis allée en Ontario récemment, et leur poutine... Fromage râpé. Fromage râpé, sauce... pas brune. Basic, là, c'est. Noir. Noir. C'est ça, pas là, noir. C'est dégueulasse. Noir. La sauce brune foncée, là. Oh. Wesh. Je te dirais que je savais pas trop ce qui se trouvait à l'intérieur de cette sauce, alors je n'ai point pris la poutine ontarienne. T'as bien fait. Mais il existe quand même des choses qui qualifient notre superbe relation amour-haine avec notre fameux petit Québec qu'on aime ou qu'on aime pas, tu sais. Ça dépend vraiment, vous allez voir. Ça va être partagé, je pense. Exactement. On va commencer avec la meilleure chose en fait, c'est la beauté des saisons au Québec. Ben oui. Il faut se le dire, on a 4 saisons, c'est magnifique. L'automne va être tellement beau, là, je l'attends. Ben exactement, tu sais, avec les couleurs chaudes, par exemple, des feuilles dans les arbres. L'hiver, il faut se le dire, c'est quand même assez impressionnant aussi, surtout le lendemain d'une tempête de neige, ouais, là, où il n'y avait rien dans la rue. Vu de l'intérieur, c'est vraiment beau. Exactement, vu de l'intérieur, c'est merveilleux. On fait les premiers pas dans la neige, là, la première grosse tempête. C'est tout le temps, tu sais, il y a tout le temps comme une espèce de petite, je veux pas dire nostalgie, mais un petit sentiment, là, de joie et d'enfant qui vient avec nous, ça, exactement. Oui. Donc, durant le printemps aussi, bien, la nature va se réveiller et une fois rendu à l'été, on va se dire tout est beau, tout est vert, tout est flamboyant, à moins qu'il ne mouille, mais ça, c'est comme ça rentre dans les choses pas mal moins le fun. C'est ça. Ben, tu pourrais mettre les aigles aussi du côté des déplaisances. écoute, j'osais pas le dire, mais maintenant que t'en parles, l'été, hein? On peut faire une demi-heure là-dessus. C'est pas vrai. Mais même si on est habitué au changement de saison, parce que, tu sais, on est tous ici depuis quand même bien longtemps. Les gens l'ont surpris à chaque fois, par contre. C'est ça. Hein? Même si c'est banal pour nous, il y a plusieurs coins du monde qui n'ont pas le plaisir de voir leur ville se transformer ou s'embellir comme ça. On doit se le dire quasiment à chaque 3 mois. Oui. T'sais, c'est pas mal seté sur une horloge. Exactement. Le calendrier est pas mal précis. Là. Mais tu sais, personnellement, on trouve la vie assez plate souvent, que si on devait passer 12 mois sur 12 à voir juste de la neige ou à voir juste du gazon, ben, je pense qu'on se tannerait. Imagine, en Californie, mettons, il fait tout le temps beau, là. Qu'est-ce que tu dis si t'as rien à dire sa météo? Ben, c'est ça. Ton bulletin de nouvelles, tu mets quoi à fin? Tu voyages. Ouais. Tandis que nous, on n'a pas vraiment nécessairement besoin de voyager. T'sais, pas besoin d'aller en Alaska. Viens juste ici au Québec, ça va faire quasiment la même chose. Ben. Tu sais, je pense qu'il faut apprécier les saisons du Québec à leur juste valeur. Et bien souvent, on n'y pense pas nécessairement. Tu sais, à l'automne ou au printemps, il va y avoir de l'eau un petit peu partout. Ça va être un petit peu déplaisant. Ouais, mais regarde, tu sais, lève les yeux. Regarde pas juste tes pieds. Bon, mais là, tu vas piler dans la boîte. Oui, mais ça, c'est pas grave. Mets tes petites bottes d'eau. Mets tes petites bottes d'eau. La pire chose, par exemple, au Québec, par rapport à la météo, c'est les longs hivers. Oui. On parle de quoi? Au moins 4 mois. Tu sais, ça a beau être beau, mais ça finit par être long, par être froid, surtout à moins 40. Parfois, ça peut aller jusqu'à 4 mois, 4 mois et demi. Et des fois, ça va être raccourci, comme hiver, mais ça va être très intense. Ouais. Tu sais, comme un bon moins 40 pendant 3 semaines. Regarde-toi. C'est ça, exactement. Tu sais, où à chaque matin, ton char part pas. Ouais. Tu sais, ça fait... Mais souliers à chaque partent matin, pas, moi, après que la déneigeuse soit passée, il faut tout le temps que tu pelles le derrière de ton auto pour pas rester pris. Tu sais, ce genre de semaine-là, là, dans l'hiver, ben ça, c'est le côté un petit peu plus déplaisant du Québec. Ouais. Et la première neige, c'est toujours accueilli, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu avec de l'excitation de la part de tout le monde. Mais honnêtement, on va se le dire, on finit tout le temps par s'écœurer à force de comme tout le temps marcher dans la neige ou tout le temps devoir déblayer notre entrée, pelleter. Mm-hmm. Fait que ce côté-là, c'est un petit peu le côté haine de cette fameuse relation. Absolument. Tu viens de parler de pelleter le derrière de ton char. Je oui. me rappelle que tu t'es fait pelleter le derrière à la chasse-galerie. Non, mais, OK, on va dire, bien franchement, un des désavantages du Québec, des fois, ouais, c'est que les gens, peut-être, des fois, on peut, des fois, penser que certains ont l'apparence de ouais, manquer de respect. Ben, tu sais, c'est drôle parce que hier, j'ai fait une chronique d'opinion sur le respect. Ça m'a rappelé ça un peu. Ouais, hier, je me suis fait pelleter le derrière. Disons ouais, ça comme ça. Par une pelle d'une forme de main. Genre un tonka, là, tu sais, ce qui ramasse, là. Une grue. Ouais, c'est ouais, ça. J'ai pas tant à triper, honnêtement. Peut-être qu'un jour, dans ma vie âgée de 18 ans, j'aurais pas dit grand-chose. T'as fait, oh, bonjour, monsieur. Ouais, c'est ça. Surtout que le gars, il était pas déplaisant à l'œil. Physiquement. Mais c'était non, man. Je suis désolée, mais... Il est vraiment arrivé derrière toi, il a pris par en bas, genre. Ouais, c'est comme ça. Comme package deal. Tu sais, je suis comme... Je sais que j'ai des fesses, mais t'es pas obligé d'y toucher. Dis-nous, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai donné mon verre à mon ami. Je me suis retournée et je lui ai demandé « Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire, s'il te plaît? » Et là, il m'a dit « Je te jure, c'est pas moi. » Oui, je vais regarde-moi dans les yeux, dis-moi ça encore une fois et je te jure, je te frappe. C'est tellement toi. Alors le gars s'est juste comme excusé. Ah, oh, ok, puis, donc il a vraiment accepté le fait que c'était lui. Oui, il s'est excusé, mais il m'a dit « Est-ce que t'es en train de nous dire qu'on repartira pas ensemble ce soir? » Là, j'ai dit « Hey boy, man, toi, là, sur une échelle de 1 à 10, comme ta technique de cruise est à chier. » Aïe, aïe. C'est pas la technique de la grue, c'est la technique du grumeau au fond. Exactement, de ta pulpe. En fait, j'étais vraiment comme offusquée hier soir d'avoir été... grabé de même. Oui. C'est même pas genre, tu sais, des fois, tu te dis, ah, quelqu'un passe à côté de toi, ça va te frôle, ouais. T'as l'impression qu'on t'a peut-être tapé une fesse ou quoi que ce soit. Non, non, non. Là. C'était pas subtil. Écoute, hein, c'était comme juste. My body is yours? No, I don't think so. Il t'a manqué de respect. Ensuite, il t'a menti en te disant que c'était pas lui. Oui, exactement. Ensuite, il t'a fait des avances, puis après ça, il n'y a pas de culture du viol. C'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, ça a probablement été la dernière fois que j'allais le croiser, ou si je le recroise, Ses fesses vont entendre parler. C'est ça, exactement. Avec tes talons. Tiens-toi les fesses serrées, mon gars. Ouais, bref, on dit pas que tout le monde est de même, là, mais il y a des gens de même. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le Québec, il fallait que je fasse un lien en disant que les Québécois sont de même des fois. Tout le monde il est de même. Il était même pas Québécois. Ah, tu vois. Fait que tu vois, bon, c'est un lien de tout. Ouais. Fais-le qu'on en parle. Hein? Tout ça pour dire, bon. Mes fesses, c'est les miennes. Lâche-les. My butt is your butt. Your butt is my butt. Ouais. C'est quelle chanson, ça? C'est une chanson genre américaine. Mais même mon amie a comme pogné quelque chose. Elle dit, ouais, moi aussi, je me suis déjà fait effleurer. Je dis, non. Là, je lui ai expliqué comment il m'avait pogné les fesses et elle était vraiment très fâchée. Ouais. Alors, c'est ça. Ouais. Tout ça pour continuer sur le Québec. Allons-y comme ça avec notre relation amour-haine du Québec. Et bien, la meilleure chose, je pense, on l'a dit tout à l'heure, c'est notre plat national qui est quand même assez délicieux, la poutine. Ça, je la pognerais de n'importe quelle façon. Oui, exactement. Dans plusieurs vidéos de célébrités ou de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui parlaient de leur séjour au Québec, définitivement, on entend parler de la poutine, on entend parler de la province, les gens qui sont sympathiques, mais on va mettre pas mal plus d'enfance sur ce petit mets qui est à la fois délectable et ô combien gras. Et facile à faire. Oui, exactement. Donc, on a peut-être la gastronomie la plus fine de la... on n'a pas, en fait, la gastronomie la plus fine de la planète, mais la poutine représente quand même un comfort food à son meilleur ici au Québec. Et c'est clairement un des plats nationaux les plus succulents et les plus originaux, on va se le dire. Oui, on l'a vu, même le Canada essaie de se l'approprier comme plat canadien. Oui, non. Alors que c'est un plat québécois. Exact. Et il y a des gens qui sont rares, qui finissent par se tanner des poutines classiques. Hein? Donc, il y a toujours comme 10 000 variantes toujours plus cochonnes les unes que les autres et toujours plus délicieuses les unes que les autres. C'est ça. Les gens qui sont classiques, je peux les comprendre, mais des fois variés, c'est vraiment le fun aussi. Exact. Donc, on peut toujours manger de la poutine dans plusieurs restaurants différents. Tu sais, je pense que même si tu vas au Chinois, tu as peut-être l'option d'avoir de la poutine au Québec. On peut même goûter lors de nombreux festivals, des événements et tout ça. Bien souvent, on va avoir différentes sortes de poutine. Donc, juste pour ça, je pense que... C'est le côté in à notre relation amoureuse avec le Québec. Et la pire chose, mais c'est l'impossibilité de pouvoir en abuser. Parce qu'on a souvent des cravings de poutine ici au Québec. Là. Il faut qu'on se le dise. On succombe quand même assez rarement si on veut avoir un mode de vie qui est quand même assez sain. C'est un vice. Exactement. Donc, quand ça arrive, nos papilles... aime ça durant le repas et notre estomac aussi, mais on va s'en parler, la ligne, non, pas vraiment. Tu sais, notre côté pas grano, mais notre côté santé aime un petit peu moins ça. Donc, une poutine classique, ça compte généralement aux alentours de 1000 calories. Wow. Ce qui représente pas du tout un repas acceptable, considérant le fait que tu devrais avoir comme 1800 calories dans une journée. Mais c'est 1000 calories délicieuses. Oui, c'est ça. Une fois de temps en temps. Tu sais, un cheat day, il faut que tu ailles au cheat day, mais sans que ton cheat day revienne à tous les jours. C'est ça. Et plus la tentation est là, plus c'est littéralement partout. Ouais. Tu sais, comment tu veux aller quelque part au Québec, sans faire face à une poutine. Ah, pour vrai, tu vas dans un restaurant libanais, tantôt tu parles de restaurant chinois, et ils font de la poutine libanaise, je veux dire. Oh, avec les petites patates. Ouais, je sais, c'était quand même. Avec les petites patates grecques. Ouais, les petites patates grecques avec de la sauce brune. Ben, libanaise, là, mais les petites patates. Ouais. Patates grecques, c'est pas ma faire pantoute. C'est des quartiers, là, les patates. Hey, hein, on est bon là-dessus, et les amis. Point. Écoute. Par la suite, il y a les activités qui sont possibles de faire et les endroits à voir au Québec. Ça, encore une fois, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés à tout ça. Mais plus on se renseigne, plus notre bucket list va devenir grosse au Québec. Mm-hmm. Parce qu'il y a énormément d'activités à faire, il y a énormément d'endroits à explorer. Et c'est sûr que si on y va aussi avec les saisons, bien automatiquement, les activités vont changer. Donc, on se ramasse avec une panoplie d'activités qu'on peut faire. Et parfois, on oublie à quel point on vit dans une province qui est très belle. Donc, juste le fait de pouvoir dire, bon, le Parc national de par exemple de Jacques Cartier, tous les parcs nationaux en fait de la province, le lac Pink, on parle aussi des chutes Montmorency, tu sais, si on parle aussi je sais pas moi de l'île du Prince-Édouard, non c'est pas au Québec ça, en tout cas tu sais la rivière Bonaventure, le parc de la gorge Coaticook, tu sais le mont Mégantic, si on regarde tout ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de se convaincre pour devoir faire une activité? Et pas vraiment, je pense pas, tu sais, c'est assez facile de sortir de chez toi et de décider de faire une activité quelconque, peu importe où tu es au ça Québec. Peut être, ça peut être exotique quand même. Exactement. Parce que c'est pas Trois-Rivières. Tout à fait, mais je pense que la pire chose dans tout ça, versus notre relation amour-haine avec le Québec et ses merveilleux endroits, c'est la distance à parcourir pour pouvoir les faire. Parce que c'est sûr que si t'es à Trois-Rivières ou en plein centre-ville, puis tu veux aller au Parc national de la Mauricie, mais... C'est quoi le décalage horaire? T'as pas de voiture. Oui, c'est ça, le décalage horaire, c'est difficile. Mm-hmm. Mais tu sais, la distance à parcourir pour pouvoir aller au Parc national de la Mauricie est quand même un tantinet long, si tu regardes ça, tu y vas pas à pied. C'est ça, tu y vas pas à pied. T'sais, juste se rendre jusqu'à Percé, quand on habite à Montréal, c'est très, très long. Donc, il y a des tonnes et des tonnes d'endroits, par exemple, au nord de Montréal, qui valent la peine qu'on aille faire un tour. Mais la distance à parcourir en voiture, c'est un petit peu décourageant. Alors, pour ça, ça tombe dans les côtés négatifs du Québec. Et si tu n'habites pas à Montréal, par exemple, et si tu es plus proche de la nature que la civilisation, ça veut dire que toi, tu es loin de la grande ville. Ça veut dire que tu peux pas nécessairement tout faire parce que tu n'as pas tout autour de toi. Mais tu peux tout faire si tu le veux vraiment. Oui, mais tout est possible. Le ciel est la limite. Oui, c'est ça, exactement. Tu es le maître de ta propre destinée. Ouais. Par la suite, il faut en parler. On n'a pas le choix, Mathieu. Quoi, là? Si on parle du Québec, ouais. Il faut parler du RDH. OK, je pensais à dire RDS, puis tout ça, c'est vrai que c'est déplaisant. Le réseau du hockey. Ah, le réseau du hockey, excuse-moi. Il faut parler de l'amour commun des Québécois pour le hockey. Ah! Oui, il y a certains Québécois qui n'aiment pas le hockey tant que ça. Mettons, toi. Mettre exemple. Mais le hockey, ça reste quand même au Québec un sport national. Ouais. Et t'as beau haïr le CH, ou t'as beau avoir où le... ça te laisse indifférent. C'est ça, ou t'as beau avoir le CH tatoué sur le cœur. Il y en a qui sont complètement fous de ça. Et la grande majorité des Québécois vont se mettre à écouter le hockey durant les matchs les plus excitants. Donc, par exemple, Bruins de Boston versus les Canadiens. Ben oui. Parce qu'on le sait qu'il y a une espèce de rivalité qui existe depuis des années. Donc, parfois, on se dit que le hockey, c'est peut-être juste pour être en gang, c'est peut-être juste pour comprendre pourquoi les gens en parlent. Et dans tout ça, c'est quoi la pire chose par rapport au fait qu'on a tous un semi-amour commun envers le Canadien? Bien, c'est la destruction de nos espoirs chaque année durant les séries. Oui, c'est assez prévisible. Hein? Exactement. T'sais, honnêtement, c'est plate de voir une équipe comme le Canadien, mais tout le temps à être pulvérisé en plein début des séries, chaque année, lorsqu'on a une chance de gagner la coupe, ça se termine tellement rapidement. Mais ils ont perdu tellement souvent que peut-être que les probabilités qu'ils gagnent éventuellement sont plus élevées, je sais pas. Non, c'est ça. On espère que cette année, ça va changer. C'est vraiment été dû, tu sais. Mais oui. T'sais, pis le hasard fait les choses. Dans tout ça, là, la seule consolation que tu peux avoir, c'est comme les Jeux olympiques d'hiver pour nos athlètes canadiens et québécois. Mm-hmm. Tu sais, à part ça... Tu veux faire quoi quand il n'y a plus de hockey? Tu sais, puis en plus, les Olympiques, ça arrive juste aux 4 ans. Ben oui. Donc, un petit peu d'espoir, s'il vous plaît, pour au moins se rendre plus loin dans les séries. Forcez-vous. Tu sais, ça a beau être rare, mais on ressent toujours le besoin de satisfaction à devoir aimer nos équipes québécoises, à devoir aimer nos équipes canadiennes, masculines, féminines. Même si on est composé, par exemple, toutes les deux de pas mal de Québécois, bien, si on finit pas à justement triompher par rapport à nos plus grands rivaux, bien, c'est là que ça devient un petit peu plate de venir l'avenir du Québec, parce qu'on ne se sera pas rendu très loin. Et la dernière, le dernier point, en fait, pour notre relation amour-haine avec le Québec, c'est la langue, l'anglais et le français. Tu sais, nos YouTubers préférés, là, par exemple, je sais pas moi, PL Cloutier, je nomme lui parce que c'est le seul que je vois sur Internet. C'est ça. Mais on les adore parce qu'ils sont québécois, on les comprend pour leur capacité aussi à avoir... s'exprimer. Exactement, s'exprimer. Mais il y en a, par exemple, qui ont une capacité à switcher de l'anglais au français comme ça. Snap! Il y a des YouTubers qui le font, sachez-le. Entre autres, Damon et Joe, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube. Et vice-versa. Donc, les besoins de la personne devant eux vont être changeants au Québec. Même chose pour pas mal n'importe qui. Si vous travaillez, par exemple, à Montréal, il y a de fortes chances qu'on vous demande si vous parlez un tantinet peu anglais, parce que sinon, il y a une forte chance que vous ne soyez pas engagé, tu sais, sachez-le. Donc, même si c'est pas vrai pour tout le monde, il y a plusieurs d'entre nous qui ont une maîtrise au moins fonctionnelle des deux langues officielles dans le pays et dans notre province. Et dans quelques autres pays du monde, bien, les citoyens parlent une deuxième langue, souvent l'anglais pour des raisons pratiques, pour pouvoir communiquer avec les gens qui viennent d'ailleurs dans le monde. Est-ce que tout le monde dit tout le temps que leur langue va disparaître à cause de l'anglais là-bas? Pas sûr. C'est ça. La pire chose, en fait, c'est justement ça. C'est les fameux débats qui sont très, très lourds, qui viennent avec ces deux langues-là. Donc, s'il y a deux choses qu'on déteste de notre province, ce sont clairement les débats politiques par rapport à l'usage de l'anglais au quotidien et les quelques personnes qui font pas le moindre effort pour essayer de parler ou de comprendre l'anglais. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais il y a aussi l'inverse. Ben oui. Ceux qui sont au Québec, qui parlent anglais et qui font pas nécessairement l'effort de peut-être baragouiner deux, trois mots en français ou d'essayer de se faire comprendre en français. Donc, quand on rencontre quelqu'un qui est incapable de se débrouiller en français ou en anglais et quand on n'essaie pas d'accommoder cette personne-là en parlant la langue que lui ou elle désire, ben là, on n'est pas correct. C'est méchant, il faut faire des efforts. Donc, savoir parler deux langues et pouvoir les utiliser au quotidien, c'est quelque chose qu'on devrait célébrer et non proscrire. Et c'est un peu vrai, là. Ça va rester de même pendant un bon bout au Québec. Désolée de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas déjà. Par avec. Exactement. Tu sais, notre province, elle est belle, mais comme je le disais tout à l'heure, on a toujours un bon côté à venir au Québec, puis un moins bon côté à être du Québec. Donc, vous aviez cinq choses qui qualifient cette fameuse relation amour-haine. T'as bien équilibré ça, Tania. Merci, Mathieu. Beau travail et j'espère que les côtés négatifs seront pas pris pour du Québec bashing. Ben, j'espère pas. Ça qu'on a fait, sachez-le, là, j'ai pas fait du Québec bashing du tout. C'était pas mon point. Mais si tu me laisses L'opportunité. L'opportunité, exactement. Je vais vous plugger, en fait, cinq entreprises québécoises, parce qu'on parle du Québec. Cool. Puis, à ce temps-ci de l'année, bien, on aime ça parfois se dorloter parce que le temps va commencer à être un petit peu plus froid et on veut penser à des produits pour le corps qui sont naturels. Et sachez qu'il y a cinq entreprises québécoises qui se sont complètement mis sur la map avec ces fameux produits-là. Et on n'a jamais assez de savon, hein, on va se le dire. Donc, la première, c'est Lavandine et compagnie. C'est du côté de Montebello. C'est une entreprise qui est située en Outaouais et on fait des merveilles du côté des savons depuis 2008. On a des ateliers sur la confection des savons et la fondatrice, Marie-Jo, elle vous propose en fait une retraite de yoga de 6 jours. Quelques fois par année, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site internet. Et leurs savons sont les plus populaires parce qu'ils sont exfoliants. Ils permettent de nettoyer la peau en profondeur. Et vous allez voir, là, c'est sûr que vous devez un petit peu triper sur la lavande, chose que... Nous deux, je n'aime point, mais c'est leur plus populaire. Mais on comprend aussi qu'il y en a qui ne sont pas à saveur de lavande ou à odeur de lavande. Il y en a qui sont, par exemple, noix de coco, agrumes. T'sais, vous ça allez aussi, voir. C'est, des fois, c'est abusif, la noix de coco. Oui, aussi. Faut pas t'en mettre trop. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Une deuxième entreprise, eh bien, c'est Runac. Ça s'appelle Runac. C'est une compagnie qui fait des savons, encore une fois, des shampoings pour cheveux, mais aussi des baumes pour les lèvres. Et à ce temps-ci de l'année, mesdames, messieurs, ça les baumes pour les lèvres, c'est un petit peu votre nouveau meilleur ami, sachez-le, parce qu'avant que la neige tombe, vous voulez justement pas que vos lèvres se mettent à craquer de plus en plus. Donc, en plus de vous aider à avoir une peau douce, bien, on est super engagé dans l'environnement du côté de cette compagnie-là. On a une politique zéro gaspillage et tous les produits sont vendus avec le moins d'emballage possible. Donc, c'est vraiment plaisant. Et il y a aussi le baume pour les mains aux huiles régénératrices qui va rendre nos mains douces comme de la peau de bébé. Et on le sait au Québec, si on porte pas de gants assez rapidement dans l'année, ça aussi, ça va craquer pas mal comme nos lèvres. Donc, vous pouvez regarder ça pour les petites huiles pour les mains. C'est tout le temps le fun. Et si on regarde une autre compagnie, bien, il y a Manufacture de savon Boréal. C'est du côté de Baie-Comeau. C'est un petit magasin qui est tout petit, au centre-ville de Baie-Comeau. Les arômes de savon qui se trouvent sont vraiment représentatifs de la Côte-Nord. Donc, c'est le fun. Si jamais ça vous tente de faire un road trip juste pour aller à une foire du savon, ben faites-le, t'sais. Et leurs pains de savon vont vous faire croire que vous êtes en pleine forêt. Donc, on est totalement à l'opposé de la lavande de tout à l'heure. On va sentir plus des odeurs d'homme, tu sais. On se dit que la forêt, des fois, bon, ça sent le pain, puis ça sent pas mal... Comment t'appelles ça, là? La bouteille rouge, là, Mathieu, chez les hommes... Old Spice. Old Spice. Tu sais, il y en a, eux, là, qui sentent le pain, là. Fait que si vous préférez une compagnie québécoise qui, justement, se spécialise dans les savons, bien, allez-y avec le savon signature numéro 7, Boréal. Ça va apaiser pour votre peau sensible et vous allez sentir la forêt. C'est le fun. Boréal cuivré, blonde. Boréal cuivré, exactement. Exactement, c'est merveilleux. Et sinon, eh bien, on a Butter. Butter, mais sans le... c'est ça? Exactement. Butter. Donc, B-U-T-R, c'est un savon qui est fait sur mesure. C'est du côté de Montréal, sachez-le. Et ce qui est vraiment cool avec cette entreprise montréalaise-là, c'est que les savons sont faits sur mesure. Donc, vous avez seulement à prendre rendez-vous pour qu'on vous fasse votre savon avec l'arôme, la couleur et la forme que vous voulez. Ils ont aussi des petits baumes à lèvres qui sont faits maison. Et il y en a un qui est à saveur de bière. Hein? C'est merveilleux, hein? Donc, je suis sûre que la gente masculine va apprécier ce genre de savon-là. Tu sais, tu prends ta douche, puis tu sens la Coors Light. Probablement que ça sent pas la Coors Light. J'espère ça doit sentir comme une bière... de qualité. De qualité ou de microbrasserie, mettons. Mais c'est quand même très intéressant parce que tu peux avoir vraiment le savon qui va te plaire et qui va être adapté pour toi. Si tu sais tes besoins en termes de savon, en termes de changement climatique à ce temps-ci de l'année, et c'est un petit peu la clé parfaite pour pouvoir te sortir de certaines situations où tu voudrais peut-être pas devoir aller acheter un savon à lavande. Disons-le, ça pue la lavande. Le dernier, en fait, c'est Savonnerie Poussière d'Étoiles. C'est du côté de Percé. OK, c'est un petit peu plus loin, sachez-le. Mais les prix sont très, très... accommodable. Oui, exactement. Abordable, accommodable. C'est une savonnerie qui fait des savons qui sont tout simplement magnifiques. Si vous avez la chance d'aller voir le site Internet ou de taper sur Google, je vous répète le nom, c'est Savonnerie Poussière d'Étoiles. C'est tellement beau, t'as le goût de croquer dans les savons. Les couleurs sont full punchées. On passe du rose au vert, au pêche. Donc, leurs savons sont faits de lait d'anès qui ont un effet anti-âge et ils font les mêmes avec des avec les mêmes ingrédients. Ils vont faire des mini bombes maison pour le bain, tu sais, loche là, tout ce que tu veux. C'est pas les seuls à faire des bombes pour bain, OK, puis à les vendre comme 42$ la bombe. Donc on aime ça, puis pas à peu près. Si jamais ça vous tente d'en essayer un, ben il y en a un qui est à essence florale, qui a du beurre de karité. Donc vous allez avoir la peau vraiment très douce, surtout encore une fois à ce temps-ci de l'année là où on a des changements et on doit un petit peu accommoder notre peau avec ça. Et il s'appelle Cléopâtre. Bon. Vous pouvez commander en ligne. Je pense que c'est une chose qui est un incontournable maintenant en 2017. Surtout quand t'es à Percé. Ben, c'est ça. Surtout quand t'es à Percé. Et je vous invite honnêtement à aller faire le tour de toutes ces entreprises québécoises-là qui font des produits pour le corps de façon naturelle. C'est génial. J'adore ça. Puis ça change du loche. Mais, hein? Hey, nous le savons maintenant. Nous les savons. C'est bien maintenant. Oui, oui, oui. J'allais faire aussi, quand t'as dit que c'était punchy, c'était so punchy, comme dans soap. Soap. C'est pas pire, ça. Ouais, merci Tania. Fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna entertain un petit peu plus tard à l'émission. Oui. Parlant de plus tard à l'émission, on a encore Stéphanie Paradis qui s'en vient avec sa chronique télé. On a aussi une grosse pointe à l'adresse. Avant ça, par contre, on va se faire le vrai, le faux dans quelques instants. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 10h. Ouh! Ça a l'air de te surprendre. Il faut. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis, on est jeudi 14 septembre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui, jeudi matin. Quelle belle le journée. Le roi. Oui. Ça donne envie, je sais pas, ça donne envie de célébrer. Je suis mort pour me serrer la pince, mais comme j'étais pas. Ok, je sais pas pourquoi on a parlé de ça cette semaine. Et là, depuis qu'on en a parlé, je te le jure, à chaque jour, il y a une situation qui fait en sorte qu'elle part dans ma tête. Et j'ai même le petit prince, là, en tu image. Vois? Oui, je le du vois. Livre? J'ai une grande imagination ces temps-ci. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Une vraie enfant, Tania. Ah, écoute, je suis nostalgique du temps que j'en avais pas, là, faut croire. Que t'avais pas d'enfant? Non, que j'avais pas d'imagination. Dans quelques instants, tu vas essayer de déterminer avec moi si les nouvelles sont vraies ou fausses. D'accord. Dans le vrai et le faux, mes avançons, on s'écoute un petit peu de Cheap Trick. Ouh là! Voici Long Time Coming. Assemblage Rocky. Au 89 FM. With you, girl, I want to be with you. Toutes les chansons ressemblent aux autres chansons de ces temps-ci, ça n'a aucun sens. Cheap Trick. croyais que ça allait arrêter avant ça. Dans Assemblage Ricky ce matin. Il y avait d'autres choses à dire. Oui, exactement. Il voulait commencer à chanter Girl, I want to be with you. Non, pour vrai, là, je peux pas croire que personne s'est rendu compte de la similarité. C'est fou. Parce que c'est la même affaire. Mais ça doit être parce que je l'ai pas écouté. La vraie ou la nouvelle? Non, celle-là. Ouais, bref. Cheap Trick avec Long Time Coming, comme tu le disais. Maintenant, c'est le moment de déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, avec une autre intro que j'ai pas encore découpée parce que je suis vraiment paresseux parce qu'on la fait jamais. C'est le vrai, le faux. Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien, vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues, même celles où vous posiez debout devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. À la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place, ouais, c'est l'intro, ça. Mais oui. En même temps, je dis que c'est écoute, vraiment... ça a comme 12 minutes d'intro. Non, le pire, Tania, fait intéressant pour nous deux. Oui. C'est que ce qu'on vient d'entendre là, c'est comme 55 secondes. Oui. Et l'intro, la vraie intro coupée de son foutu palmarès, c'est genre 48. Ouais, c'est pas... C'est pas vraiment plus long. Il y a pas une très grande différence. Bref, c'est le vrai, le faux. La chronique où toi, Tania Baudin, tu essaies de deviner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Oui. Dans l'actualité qu'on a en ce moment. Exactement. C'est la raison du pourquoi, sachez-le, que je n'ai point ouvert les liens oui. que Mathieu va discuter. C'est un très, très bon point. Parce que je ne veux pas avoir la réponse devant moi. Ce serait de la triche. Oui. Ouais. Donc, Tania, on va commencer avec une première nouvelle. Avant de commencer avec une nouvelle, je voulais vous dire que le site Snopes.com, qui est un des sites que j'utilise pour cette chronique-là, et même que cette semaine, c'est le seul site en hommage au fait qu'ils ont fait une campagne sur GoFundMe. Okay. Depuis des semaines, Snopes était menacé de fermer par rapport à un de leurs hébergeurs pour leur site web qui tient l'hébergeur, le site en otage. Bref, la campagne GoFundMe a été un énorme succès. Ils cherchaient $500,000 $500,000 Snopes.com. Ils ont réussi à en atteindre 691 410. En seulement un mois, 24 800 personnes ont donné de l'argent. C'est moi, je pense, là, je dirais dans mon top 5 des sites internet, de tout internet. Ah ouais? Confondu, de tous les internets. De tous les internets. Chacun d'entre eux. Les internets. Donc Snopes.com, hashtag Save Snopes, nos amis, on les aime beaucoup. Donc commençons avec une première question. Un test de grossesse. Est-ce qu'un test de grossesse peut détecter un cancer des testicules? Est-ce que tu penses que ça se peut? Un test de grossesse. Le test de grossesse, est-ce que ça peut déterminer si c'est un cancer des testicules? Mettons que le gars fait le test. Oui. Je vais dire non. Tu vas dire non? C'est faux. Je te donne un demi-point. Est-ce que tu peux prendre tes points toi-même? Oui, OK. J'ai pas de crayon. Ah, quand même que ça va bien. Moi non plus, j'en avais pas. C'est ça que je me demandais. Attends, okay. Allez, allez, allez. Oh, ici. Oh, il. Merveilleux. Merci. Oh. C'est pas un beau crayon, mais... Léopard. C'est un crayon de léopard. C'est à la mode, c'est des... Tu me dis un demi-point. Un demi-point, oui, s'il te plaît. Donc, en novembre 2012, un utilisateur du site Reddit avec le nom d'utilisateur Captain Poop Deck... a posté une bande dessinée qui détaillait l'expérience d'un ami oui! de gars qui avait, en blague, pris un test de grossesse laissé dans la pharmacie de son ex-copine. Et surprenamment, il a obtenu un résultat positif. Même si le post était supposé être une blague, les réponses sur Reddit ont commencé à devenir plus sérieuses. Captain Poop Deck a reçu le conseil que si c'est vrai, tu devrais aller voir si t'as le cancer des testicules. Et il disait le commentaire sérieusement, Google ça. En fait, c'est qu'un test de grossesse va donner un résultat positif lorsqu'il détecte l'hormone, et là en français, je sais pas ce que c'est, mais human chorionic gonadotropin, le HCG, qui est produit non seulement par les femmes enceintes, mais aussi par des hommes qui ont certaines tumeurs cancéreuses. OK. Certains hommes, pas tous. Donc, Captain Poop Deck a posté une bande dessinée encore une fois, informant les Redditors que son ami avait visité le médecin et que finalement, il avait trouvé, et là, c'est là que ça se concrétise, ouais. Une petite tumeur dans son testicule droit. Ça a été attrapé assez tôt pour qu'on puisse le traiter immédiatement. Et donc, c'est vraiment super cool. Par contre, un test de grossesse à la maison peut être capable de détecter certaines formes de cancer des testicules, mais ça ne devrait pas être pris comme moyen fiable de détecter cette maladie-là, selon l'American Cancer Society. Donc, faites attention. Donc, c'est un mélange. C'est pas la seule façon. Je pense qu'après avoir lu le texte, j'aurais tendance à vouloir te donner un point au complet. Ah ouais? T'as dit que oui, hein? Non, j'ai dit non. T'as dit non, donc tu t'enlèves le point. Ouais. Donc, on regarde ton point 5. Un point 5? Je suis généreux. Ok. Je suis vraiment généreux. Ouais, avec mon t'es vraiment 5. Généreux parce que dans le fond, j'ai zéro point. Parce qu'en tant que tel, c'est pas un moyen officiellement, mais ça peut le faire par la bande. Est-ce que la Food and Drug Administration aux États-Unis a annoncé qu'on allait bannir un ingrédient qu'on retrouve dans la pâte à dents Colgate Total? Donc, la Food and Drug Administration, ceux qui s'occupent des médicaments et de la nourriture, des règlements là-dessus, est-ce qu'ils ont annoncé qu'on allait bannir un ingrédient qu'on trouve dans la pâte à dents Colgate Total? Ça date de quand, cet article-là? En juin 2017. Okay. Tu veux savoir si t'en aurais entendu parler quelque part? Hein? C'est faux! C'est faux! Oui, un point, c'est faux, bravo! Donc, en juin 2007, la FDA n'a pas, en fait, annoncé qu'elle allait bannir le triclosan dans différents produits. Donc, en septembre 2016, ce qui est vrai, il y a une partie de vrai, en septembre 2016, la FDA a dit que plusieurs produits ne pourraient plus être vendus parce qu'ils contiennent du triclosan, qui est un agent anti-microbe. Ce qui est faux, par contre, c'est que malgré le fait que ça contient du triclosan, la pâte à dents n'est pas inclue dans la liste des produits bannis et ça continue, en fait, d'être approuvé par la FDA. L'agence n'a pas annoncé par rapport au triclosan dans le Colgate Total en date de juin 2017 au moment où la rumeur avait fait le tour d'Internet. Donc, c'est pas mal faux pour ça. Ensuite, est-ce qu'un camion rempli de chocolat a pris en feu sur une autoroute du Royaume-Uni? Un camion de chocolat qui prend en feu. Ça fait de la fondue. Ça fait de la fondue, délicieux. C'est pas du gaz, on s'entend. Ouais, non, c'est ça. Mais en théorie... Écoute, c'est possible, mais est-ce que c'est arrivé? Je veux dire oui. Oui, je te donne le point. Du chocolat fondu a complètement rempli la route dans Kent, au Royaume-Uni, quand un camion qui transportait des barres de chocolat Lion, en la regardant au visuel, ça m'apparente, ça a l'air d'être un genre de... je dirais pas Coffee Crisp, mais il a l'air d'avoir une gaufrette à l'intérieur et de la petite crème, du maïs, je crois, sur le pourtour et du chocolat pour entourer. Ça ressemble à ça, c'est par Nestlé. Donc, le trafic, oui, sur une autoroute majeure de l'Angleterre a été dérangé pendant plusieurs heures quand un camion rempli de chocolat a pris en feu. Les conducteurs sur cette autoroute-là donc avaient de longs délais à faire et à attendre. Un porte-parole a dit que le feu est arrivé dans le début de la journée. Le chocolat a fondu sur la route, il y avait du chocolat partout. Aucune blessure et l'autoroute au complet avait réussi à pouvoir ouvrir pour la circulation en fin d'après-midi. C'est quand même drôle. Et on dit que la cause du feu n'est pas connue, mais bon. Donc c'est pas le chocolat qui a causé le feu, mais oui, le camion a quand même pris en feu avec du chocolat à l'intérieur. Ensuite, on a un épouvantail. Est-ce que quelqu'un a découvert qu'un épouvantail était en fait fabriqué à partir d'un corps humain? Je vais dire... C'est une photo C'est où ça s'est passé? Ça se serait passé dans le Texas. Donc, une photo qui montre, en fait, un épouvantail qui serait fabriqué d'un corps décédé. Donc, il resterait que les os? Il resterait que les os. Je veux dire, c'est faux. C'est faux, en effet. Un point pour toi. Donc, une photographie qui est apparue sur les réseaux sociaux, évidemment, racontait qu'au début des années 2000, un homme avait acheté un ranch au Texas et avait remarqué un épouvantail dans le milieu de son terrain. Donc, il est allé là, il a senti quelque chose de très mauvais. Il a enlevé les vêtements de l'épouvantail et a découvert que c'était en fait un squelette humain. Et la photo a été prise lorsque la police est arrivée, dit-il. La photographie, en fait, montre un accessoire d'Halloween, apparu en mai 2012 sur le site The House of Marrow, un blog dédié aux accessoires de l'Halloween. Donc voilà, c'est absolument faux. Ensuite, prochaine question, Tania. Ouais. Est-ce qu'on a découvert un bébé à moitié humain et à moitié lamb, c'est chèvre? Hein? Sheep, c'est mouton, lamb, chèvre. Ouais, donc à moitié humain, à moitié chèvre en Afrique du Sud. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Un point. Ben, la photo... Tu m'avais dit que c'était vrai, là, j'allais capoter. Ouais, je sais. Faudrait que t'aies le support visuel de la photo, mais c'est que si tu ouvres les photos, ça vient te montrer le vrai ou le faux en dessous. Ah, okay. Faudrait que je te le montre, genre, en virant mon écran comme ça. Ah, parce que mon Dieu! Ça a vraiment l'air de moitié bébé, moitié chèvre. Allez voir sur assemblagerequis.com si vous voulez voir la photo par vous-même. Mais bref, plusieurs rumeurs au sujet d'une créature étrange, des cyclopes, des hybrides humains et animaux, ça remonte vraiment à loin. Mais souvent, les rumeurs viennent en fait d'un animal avec une défectuosité à la naissance, donc un problème qu'ils ont eu. Donc c'était le cas en juin 2017. Une série de photos montrait donc une chèvre déformée. C'était juste une chèvre qui est née déformée. Donc née en fait née morte, donc une jamais née. mort née comme on l'appelle, c'est ça. Ouais. À Eastern Cape dans l'Afrique du Sud, près de Lady Frere. Évidemment les gens dans la localité étaient surpris par l'apparence de l'animal et on pensait que c'était le résultat de la bestialité, mais non, finalement le Eastern Cape Department of Rural Development and Agrarian Reform a confirmé aux médias locaux que les photos montraient simplement une chèvre morte née. Ensuite, toujours dans le vrai le faux, Talia détermine si les nouvelles sont vraies ou fausses, la gestion des déchets offre de venir chercher les corps morts à cause des changements aux assurances et à la santé aux États-Unis, tu sais, avec le Obamacare qui s'en irait, avec Trumpcare qui était supposé marcher, qui a finalement pas marché. Est-ce qu'une compagnie de collecte de déchets a offert de venir ramasser les corps morts après le changement des plans de santé aux États-Unis? Dans les hôpitaux, genre? Dans les compagnies de gestion de déchets, par exemple, les gros camions qui viennent chercher tes poubelles. Je veux dire... Hey, j'espère. Non, c'est faux. C'est faux. Okay. Un autre point. Je suis vraiment très, très... J'ai choisi des nouvelles aujourd'hui qui sont presque invraisemblables. Ouais. Donc, le 19 juillet 2017, le Nevada County Scooper, le NC Scooper, c'est un site web, a publié un article disant donc qu'une grande compagnie de gestion de déchets allait bientôt offrir de venir cueillir la cueillette donc des corps morts par rapport à Trumpcare. Plusieurs critiques disaient que ça allait laisser des millions d'Américains sans assurance santé adéquate. Et évidemment, c'était un article de parodie. Ensuite, l'origine des craquelins Graham. Est-ce que les craquelins Graham ont été, tu sais, comme on fait des s'mores avec? Ouais. Chocolat guimauve. Est-ce que ça a été nommé en l'honneur d'un homme qui croyait qu'une diète, donc un régime ou une alimentation malsaine pouvait mener à un excès de sexualité? Tania crampé. I wish! Non, c'est faux, ça. C'est faux? Non, c'est vrai! Ah, ben voyons donc! Moins un point. Ah! Enlève-toi un point. C'est trop facile quand je fais juste donner des points, je trouve. Ouais! Mais là, voyons donc, t'es-tu sérieux? Je te jure. Aïe, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Le révérend Sylvester Graham, ministre... presbytérien, hein, est devenu un féroce manifestant contre la malbouffe. Hein. C'est l'homme qui a mis le Graham dans le biscuit Graham. Donc Sylvester Graham, né en 1794, mort en 1851, croyait que le désir physique était mauvais pour le corps, causait des maladies chez les personnes qui étaient en chaleur. Par exemple, des problèmes pulmonaires, maladies à la colonne vertébrale, l'épilepsie, la folie même, des maux de tête, indigestion. Il pensait que ça allait mener à la mort beaucoup trop subite. Et puis, il était conçu donc que ça allait créer des personnes qui étaient plus faibles. Donc, Graham croyait qu'une diète, un régime végétarien strict aiderait à supprimer donc ses envies, ce désir-là. Donc, il disait que ce serait une diète qui n'avait pas de viande, riche en fibres, par contre, comme façon de combattre le désir chez les gens. Son pain Graham, à l'époque, était fait de blé, de farine de blé, oui. Donc, ça a fini par porter son nom en forme de craquelin. Il y a plein d'autres détails dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, est-ce qu'un étudiant à l'école secondaire s'est cassé les deux bras en sautant d'une tour d'eau, tu sais, les tours d'eau là, qu'on voit des fois aux États-Unis, je sais pas si j'en ai jamais vu ici, mais quand même, il y en a sûrement, pour un projet de science. On se rappelle de la fille qui a fait la split récemment, forcée de faire la split aux nouvelles. Donc, est-ce que le même genre ici, elle a sauté d'une tour d'eau, elle s'est cassée les deux bras? Ça veut dire que c'est vrai. C'est faux. Enlève-toi un point. Enlève-toi un point. Donc, dans la photo, on voit une jeune fille devant un poster, une affiche pour une foire de science. Le titre de son projet est « Jumping off buildings, how high is too high? » Donc, sauter de bâtiments, comment haut est trop haut. Et la fille s'utilisait elle-même comme petit cobaye avec un plâtre à chaque bras. On sait maintenant que la photo est complètement fausse. Vous pouvez voir la photo d'origine et la photo manipulée sur assemblagerequis.com. Le journal local de Woodstock Sentinel Review a publié la photo à côté d'un article sur la foire de sciences à John Knox Christian School en 2012. Donc c'est là que la photo a été prise. En fait, l'étudiante s'appelle Caitlin Holman. Ensuite, si tu vois sur une facture de Walmart une charge additionnelle que tu ne comprends pas, est-ce que tu devrais appeler la police? En fait, on nous dit ici que Walmart ajoute une charge fantôme sur tes factures, une charge de 10$ depuis 10 ans, dit-on dans cette nouvelle-là. Donc, Walmart qui ajouterait un frais de 10$ de plus des fois. Et la mention, donc si tu veux la savoir, la mention sur la facture, qui passe pour un produit à 10$, c'est Jagket, J-A-J-K-E-T. Est-ce que c'est une charge que Walmart ajoute à certaines factures depuis 10 ans? C'est faux. C'est faux, en effet. T'as raison là-dessus. Donc, le 22 juillet 2017, un utilisateur de Facebook disait que Walmart avait ajouté une charge fantôme à sa facture, donc 10$ pour l'article qu'elle n'avait pas acheté, le Jagket. Elle a posté ça avec une photo du reçu et son témoignage. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'était acheté une jaquette. C'est ça. Donc, elle disait, elle conseillait aux gens d'appeler la police si le code Jagket apparaissait sur le reçu. Lorsqu'on a contacté Walmart, un représentant a confirmé que le problème était sous enquête et ils ont dit qu'ils allaient faire une mise à jour là-dessus. Et le lendemain, le représentant les a contactés chez Snopes.com, nos bons amis, pour dire que c'était une erreur provenant d'un code barre, en fait. pardon. Ne meurs pas. Merci. Un SKU, ce qu'on appelle dans le domaine un SKU, SKU. C'est donc un code qui avait été mal entré à la main par une caissière. Donc, la personne avait sûrement entré le code pour, mettons, je sais pas, une pomme à 10 cents. Là, ça, je sais pas, ouais, sûrement. Ans. Et avec le mauvais code, ça finit par marquer Jagket, qui doit être un produit qui existe. Probable. Et on a chargé 10$ pour. Donc, la photo est réelle. Par contre, c'est pas une charge fantôme du tout. Donc, tu gagnes quand? On va en avion maintenant. Est-ce qu'un panda vivant a volé en classe affaires de la Chine aux États-Unis? En fait, si tu vas sur le site, si tu y allais pour savoir la réponse, tu verrais le panda sur un siège. Donc, une image, une vidéo virale qui montre un panda assis à côté d'un humain dans un avion de China Airlines. Est-ce que c'est vrai ou faux? Entre la Chine puis les États-Unis. Je veux dire que c'est faux parce que tu peux pas ramener d'animaux aux États-Unis. Je sais pas si c'est la raison, mais c'est faux en effet. Donc, tu peux te donner un point cher. Donc, une photo d'un grand panda gigantesque qui avait l'air tout serein en train de manger du bambou. Des feuilles de bambou, en fait. Il se promenait dans un avion côté passager, dans un avion commercial. Ça fait le tour d'Internet depuis 2006, en fait. La première fois qu'on a trouvé ça, c'était sur le site gozer.com. Un communiqué de presse de China Airlines est sorti sur le même site 2 ans plus tard. Même cette histoire-là est vraiment cute. Oh. Ben c'est ça, c'est complètement fou. C'est pas à prendre au sérieux. On dit que c'est peut-être une campagne publicitaire. Le gros panda est une espèce en danger, en fait. Il y en a environ 420 pandas géants en captivité. Ils sont très surveillés de près. On n'a pas eu de naissance, de mort ou même l'existence d'un panda nommé Squee Squee, comme on disait dans la nouvelle, en Chine, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Lorsque les pandas sont élevés en captivité, ils sont des animaux sauvages. Donc, on ne pourrait pas les amener directement dans l'avion. Ça dit que certaines lignes aériennes permettent aux animaux comme Mira, etc., ou les animaux de compagnie, des fois, d'être dans la cabine des passagers. Mais un panda géant, de toute façon, ne rentrerait pas dans aucune de ces catégories-là. Et on dit que la pancarte de sortie près du panda a l'air d'être écrite en japonais et non pas en chinois. Donc, ça nous dit que c'est pas vraiment China Airlines. Tout est faux là-dedans. On reste dans les lignes aériennes. Est-ce qu'on reste dans les lignes aériennes? Oui, exactement. Donc, c'est un homme qui aurait été arrêté parce qu'il aurait amené des cobras et d'autres reptiles aux États-Unis via Los Angeles en avion. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on a envoyé un cobra dans un contenant de collation, en fait? Ça m'écœure, mais je dirais que c'est vrai. T'es donc bien bonne aujourd'hui, Tania. Tu veux ça? J'ai déjà regardé. Là-dessus, je vais remercier mes parents. Okay. Mes parents sont des addicts de genre DocuD et ce genre c'est de choses-là. C'est bon, ces émissions-là, oui. Et honnêtement, ils ont l'émission aux douanes, là. Oui. Ce qui se fait tout le temps attraper aux douanes. Oui. C'est fou ce que tu peux savoir, ce que les gens amènent en avion, hein? C'est ridicule, hein? Donc, on dirait un scénario de film, évidemment, mais c'est tout à fait vrai. On a illégalement importé des King Cobras cachés dans des cannes de croustilles, selon la justice. Aïe. Donc, c'est Rodrigo Franco, 34 ans, qui était accusé d'avoir importé 3 reptiles venimeux et 3 tortues albino chinoises. Mais voyons et donc. Des animaux comme ça. Donc, les serpents faisaient 2 pieds de long. Ils ont été saisis par les agents fédéraux avant d'être livrés à l'appartement de Franco à Monterey Park, une ville à l'est de Los Angeles County. Encore une fois, plein d'autres détails dans l'article. On reste dans les animaux maintenant. Une mouette. Oui. Une mouette. Ben, c'est peut-être le bruit que le gars a fait aussi parce que est-ce qu'une mouette a arraché un testicule d'un homme alors qu'il prenait du soleil nu? Oh man, j'espère pas. J'ai mal pour lui. Je veux dire que c'est faux. Ah, t'es bonne, c'est encore faux. Yes. Oui. Une chance. Hey, t'imagines, il faudrait une grande bouche à la mouette. Ça dépend du gars. En juillet 2017, les articles ont été publiés sur différents sites web disant que les vacances à la plage d'un touriste nu avaient été gâchées lorsqu'il avait été attaqué par un oiseau prédateur qui pensait partir avec les œufs d'une tortue. Le site web est un site web de parodie, donc le Foreign Journal. Il n'y a aucune mention apparemment nulle part ailleurs de cette histoire-là. Et ils ont une historique derrière eux, Foreign Journal, de fausses nouvelles. Voilà. Ensuite, on reste encore une fois dans les animaux. Est-ce que la morsure d'un zombie à l'envers, on le met entre guillemets, ouais, reverse zombie, c'est une sorte de tic, est-ce que ça peut te rendre allergique à la viande rouge? Est-ce que la morsure d'une tic peut te rendre allergique à la viande rouge? Hey, c'est pas la première fois que j'entends ça. Mais est-ce que c'est vrai? On sait pas. Là. Ça te rend pas allergique, me semble, mais ça te fait pas triper sur la viande rouge pendant un bout. Je vais dire que c'est vrai et faux. Vrai et faux? Non, donne-toi juste 0.5 points parce que c'est complètement vrai. Hein? Allergie, tu joues le vrai? Jeu, tu as qu'un demi-point. Oui, donc... Je pensais que ça te rendait pas allergique. Ouais. Donc, au printemps et à l'été 2017, on a vu plusieurs fois dans les médias donc, une tique qui mord et qui cause de l'irritation à la peau, des crampes à l'estomac, des problèmes de respiration et d'autres symptômes qui sont reliés aux tiques d'habitude, chez les êtres humains particulièrement. Donc, la réaction allergique à la viande rouge. Donc, parmi les douzaines de nouvelles qui ont été publiées à ce moment-là, le Williamsburg Yorktown Daily a dit qu'une allergie de viande provenant de la tique augmentée était de plus en plus populaire, là, si on veut propager, ouais, à Hampton Roads en Virginie. Minnesota Public Radio disait qu'il y avait donc une allergie à la viande qui était déclenchée par cette tique-là, que ça devenait de plus en plus commun. On dit que le reverse zombie, on disait que c'était sensationnalisé un petit peu, mais que ça reste complètement vrai. Les scientifiques sont au courant depuis longtemps que cette tique-là, qui s'appelle Lone Star Tick, l'Amblyomma Americanum, qui a été découverte pour la première fois en 1754, transmet des pathogènes associés avec trois infections potentiellement fatales, mais rares. Je les nommerai pas, c'est des noms compliqués. Et puis jusqu'à la fin des années 2000, il y avait, on dit que ça, même si c'était pas avant la... C'est ça, je recommence ça. Hein? Ouais. Même si c'était pas avant la fin des années 2000 que sa connexion avec l'allergie à la viande chez les mammifères a été établie. Donc le lien entre la morsure des tiques et ça a été proposé par des chercheurs australiens qui ont découvert que 24 personnes sur 25 qu'ils surveillaient pour une étude sur l'allergie aux viandes disaient avoir été mordues par une tique. Ah ouais. Donc vraiment, c'est pas des blagues, c'est tout ça. Ouais, non, c'est vrai. Encore une fois, plein d'autres détails dans l'article sur le côté médical de la chose. Est-ce qu'un Marine a été poignardé par quelqu'un qui faisait du vol à l'étalage? C'est la prochaine question que je te pose dans le réflexe. Marine, c'est où? Donc, c'est l'aventure d'un voleur dans le... Attends un petit peu, je l'avais ici. Voyons, je l'avais. C'est à Augusta, en Géorgie, que ça se passe. En 2010, en fait. Okay. C'est un voleur qui aurait poignardé un Marine... comme ça, qui ensuite aurait été frappé lui-même par d'autres Marines. Oh boy! Je veux dire, c'est vrai. Ben, c'est pas mal vrai. Donc, ouais, je vais donner le point. Merci, je vais donner le point au complet. Donc, c'était le 26 novembre 2010, le lendemain du Thanksgiving, donc le Black Friday. Celui qui s'occupait des caméras de surveillance dans un Best Buy de Augusta, en Géorgie. Ah, Best Buy. Ouais, Best Buy. On a vu donc un voleur qui était en train de couper un laptop, un ordinateur Dell de son emballage et le mettre dans ses pantalons. Le gars, tu sais, tant qu'il avait quelque chose, un portable. Écoute, tant qu'à être subtil, on va être subtil jusqu'au bout. Un 17 pouces, là, ça rentre ça parfaitement. Rentre. Quand t'as d'énormes jambes, peut-être. Franchement. Qui sont vraiment très plates. Quand t'as pas de fesses, mettons. Oui, c'est ça. Bref, on lui a demandé, on l'a approché. T'as des abdos vraiment carrés c'est aujourd'hui. Ça, c'est tight, tight. Donc, 39 ans, l'homme, Tracy Hathaway de Waynesboro en Géorgie, on lui a demandé de retourner la marchandise. Hathaway est devenu fâché, il a redonné le laptop, il est parti par la porte en avant, il a sorti son couteau et puis il a frappé un employé de Best Buy en même temps. À l'extérieur du magasin, il y avait 4 Marines et 7 bénévoles qui ramassaient des dons pour Toys for Tots. Ils ont tous sauté dessus. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Wow. C'est pas mal ça. Il s'est fait poignarder, Monsieur Dugan, un caporal, c'est ça? Mm-hmm. Et puis il a été attaqué, le voleur, après ça, par les autres Marines et l'équipe de prévention des vols du magasin. Ils l'ont gardé jusqu'à ce que la police arrive. Il y a un reportage vidéo sur assemblagerequis.com si vous voulez en savoir plus sur l'incident. Ensuite, toujours dans la chronique où on essaie de deviner, on va terminer sur celui-là, Tania. Donc, c'est ta dernière chance. D'accord. Une femme. Je suis prête. Est-ce qu'il y a dans le film The Rescuers de Disney... Est-ce qu'il y a une femme dont on voit les seins? Oui, j'ai pas vu ce film-là. Est-ce que tu veux que je dise son titre en français? Oui. The Rescuers. Ça s'appelle Les aventures de Bernard et Bianca. Oui, okay. Ben oui. Un film classique d'animation. Bernard et Bianca. Ben oui. Je veux dire... C'est faux. C'est faux. Enlève-toi un point plus vite. C'est complètement vrai. Image cachée d'une femme topless apparaît dans la version vidéocassette de Bernard et Bianca. Ah, c'est ça, c'est parce que je l'ai vu au cinéma. Ben oui, c'est, t'as raison. Alors, remets-moi ton point. Non, c'est pas vrai. Oui, donc, merci. C'est en janvier 1999 que Disney a rappelé, donc demandé à ce que les gens renvoient leur version vidéocassette du film animé de 1977, The Rescuers, parce que ça contenait une image, évidemment, complètement louche. L'image apparaît dans une scène vers les 38 minutes du début du film, alors que nos héros, Bianca et Bernard, les sus mentionnés, volent à travers la ville dans une boîte de sardines accrochée sur le dos de Orville, qui est propriétaire du Albatross Air Charter Service. Bref, la photo est d'une femme topless. On peut la voir en fait dans une fenêtre d'une bâtisse à l'arrière-plan dans deux frames consécutifs, deux images consécutives. Bon, genre, il y a 30, mettons qu'il y a 30 images secondes, ouais. Ben, on le voit dans deux frames. Ça veut dire que c'est pendant vraiment une fraction. Ouais, c'est ça. C'est même pas une demi-seconde. C'est vraiment très, très court. C'est dans le coin en bas à gauche et puis ensuite dans le haut, au centre de l'image. Il y a les captures vidéo sur assemblagerequis.com. Donc, ça fait quand même bizarre de voir une image qui est, dans le fond, des vrais humains dans ce film animé. Contrairement à la plupart des rumeurs de trucs risqués cachés dans les trucs de Disney, on a tous vu la couverture d'un film qui avait l'air d'avoir un château de sable en forme de pénis. Donc, celle-ci, dans ce cas-là, c'est tout à fait vrai. Les deux frames de femmes topless sont présentes dans le film depuis sa sortie. Ah, Tania, tu m'as menti tantôt. Pourquoi? Parce qu'au cinéma, c'était la même chose. Ah, oh, schnout! C'était au cinéma. Ah, mais je suis allée à la salle de bain pendant ce moment. Ah, ok. Tu regardais ton sel en 1977. C'est ça, exactement. Donc, un fait qui a été confirmé par Disney, porte-parole, a dit que ça avait été fait il y a plus de 20 ans à ce moment, en date de, j'imagine, de quand elle se l'est fait demander. Disney disait en fait que ça n'avait pas été inclus dans la version 1992 sur vidéocassette parce que cette version-là venait d'un imprimé, d'une version imprimée différente du film. Disney maintient que les images n'ont pas été placées par le film par leur équipe d'animation. À la place, ça a été inséré pendant la post-production. La compagnie a décidé de ramener, donc de rappeler les 3,4 millions de copies de la vidéocassette pour évidemment que les familles ne s'en fassent pas avec ça, même si pour vrai, là, deux frames pour réussir à faire pause dessus. Faut vraiment que tu sois lucky. Avec un magnétoscope. Peut-être avec un logiciel. Si tu captures la vidéo puis tu vas image par image. Ouais, ça, oui. Mais c'est pas la famille qui va faire ça. Non, c'est ça. Faudrait, ça prendrait un père vraiment très dédié une à la mère, ou une mère, ou une mère. Non, mais je me suis dit, tu sais, quelqu'un de vraiment geek en ordinateur. Ouais, un humain. C'est ça. Une personne de genre non-genré. Exactement. C'est ça. Donc voilà, c'était curieux quand même qu'on rappelle le film à ce moment-là. Bon, parce qu'on disait que Disney habituellement ne reconnaissait pas, n'acceptait pas le fait qu'il y avait des trucs cachés dans ses films. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait pour The Rescuers? On ne le sait pas, mais reste que c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu peux me compter tes points, Tania, s'il te plaît? Certainement. En enlevant, là, oublie pas d'enlever ce que tu as vraiment enlevé. Hein? 8. 8 sur rien, dans le fond. Je les ai toutes comptées. C'est 8 sur 20. Tu as eu 8 points sur 20. Oh mon Dieu. Bon, donc c'est... Ah, sur 20? Oui, ben mais fait... non, arrête. Attends, non, t'as raison, j'en ai fait moins que ça, j'en ai fait 15. 8 sur 15, je m'excuse, Tania, j'en avais ouvert 20, mais j'en ai fait que 15. Voilà. 8 sur 15, c'était la moitié. En fait, j'en avais 12 au départ, puis tu m'as enlevé les points. Parce que t'avais les mauvaises réponses? Ah, le système de pointage va être à revoir. Oui, je suis d'accord. On va s'en reparler de ça. Je suis pas un animateur de quiz professionnel, comme tu peux voir. Mais bon, on s'en est sorti et on a appris des choses. Donc voilà pour la chronique Le vrai, le faux. On prend une petite pause. Et au retour de cette petite pause, Tania aura une deuxième petite chronique à nous proposer. C'est fou! 89.1. Toujours à Assemblage Requis, en ce jeudi 14 septembre 2017. Mathieu Plante avec vous. Tania Baudin va être de retour dans quelques instants. Si on a le temps, on va faire une deuxième chronique avec elle. Je ne vous garantis rien parce qu'on a un beau petit plan pour la troisième heure de l'émission. Oui, on a trois maintenant. Faut que je m'habitue à dire trois heures. Tania, elle arrive là. Est-ce que ta chronique est courte, la deuxième? Oui. Est-ce qu'on la commence maintenant? On pourrait bien faire ça. Ouais, s'il te plaît. Je sais que t'es... Bon, on est pressé dans le temps un petit peu. Donc, allons-y avec une deuxième partie. Reprends ton souffle. Je vais chanter pour l'instant. Ah, ça, mon okay? Dieu, vas-y, chante. Ah, j'ai un talent certain. Hein? C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! She's gonna do bon, je dis pressé dans le temps, là, on prend quand même le temps de dire les choses, mais on s'étalera pas trop longtemps non. Sur ton deuxième sujet. Qu'est-ce que c'est? Le voyage, Mathieu. Le voyage. Ben oui, je vais vous parler de voyage et aussi d'amour. Ne vous inquiétez pas, parce que souvent, en tout cas, on va en parler plus tard. Je ne m'éterniserai pas trop longtemps. Mais je veux vous parler de voyage, en fait, parce qu'il y a des endroits, présentement, du moins pendant la saison de l'automne, où ça sera pas très cher de pouvoir voyager. Tu nous trouves des deals. Oh que oui, les amis, je vous ai trouvé des futures destinations voyage. Et des accents par le fait même. Oui, exactement. C'est sûr que si vous voyagez, vous allez avoir d'autres accents. Hein. bon, vous pouvez aller à Miami. C'est pas extrêmement loin, mais vous pouvez vous envoler vers Miami pour seulement 163 $. Hein? Taxes incluses, aller-retour. Que ce soit pour relaxer, que ce soit pour aller à la plage ou profiter du nightlife qui se passe du côté de Miami, pour moins de 200 $ à partir de Plattsburgh, sachez-le, là, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, je trouve. Et en passant, l'ouragan Irma a détruit une bonne partie de la ville. Alors, on recommande de faire des recherches, bien évidemment, cher, hein? Avant de pouvoir booker le vol. Oui, c'est un petit peu pour ça. Vous allez voir, la plupart des destinations où je vais vous envoyer ouais, c'est ça. La tristesse des uns fait le bonheur des autres. C'est tout à fait, c'est ce qu'ils disent. Mais vous pouvez faire le voyage et aller tout simplement donner un coup de main aussi. Hein. Rappelez-vous que de faire de la bonne charité, c'est pas méchant. Mm-hmm. Puis quand on en profite en voyageant en même temps, ben c'est tout le temps très fun. Tout le monde gagne. Exactement. La prochaine destination, c'est Fort Lauderdale. Donc pour en Floride encore. Aussi. Oui. Pour moins de 300 $ aller-retour, vous allez pouvoir prendre du bon temps à Fort Lauderdale en Floride. Et oui, encore une fois, l'ouragan Irma a touché la Floride, mais tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Et comme je vous le disais, bien sinon, vous faites simplement en profiter pour faire une espèce de voyage humanitaire, c'est-à-dire d'aller donner un coup de main. On le sait, il y a plusieurs gens qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux lorsque c'est arrivé. Alors, pourquoi pas mettre la main à la pâte, vous aussi. Mm-hmm. Sinon, vous pouvez vous rendre du côté de New York. Oh. New York, ça a toujours quand même été assez abordable de pouvoir s'y rendre. Assez touristique. Assez touristique aussi. Moi, je vous dirais que je suis plus genre à aller à New York soit en voiture par moi-même, tu sais, comme en road trip, mm-hmm. soit en autobus. Mais c'est rare que je me suis dit « Hey, je m'en vais à New York en avion. » Mais sachez que vous pouvez prendre un vol vers les environs de 210 $ pour vous rendre à New York à partir de Montréal avec sans escale. Donc, ça se fait très bien. Et qui dirait pas non à une fin de semaine d'aller shopper du côté de New York? Je pense qu'il n'y a pas grand-fille qui dirait ça, honnêtement. Et ça serait... Tu sais, New York, c'est New York. C'est légendaire, que ce soit pour les films qui ont été tournés, les séries télévisées qui ont été tournées. Moi, je pense que si j'avais la chance d'aller à New York bientôt, je pense que c'est ça que je ferais. Je visiterais les places où j'ai vu dans les séries télé mes séries favorites, certains endroits qui ont été visités à ce moment-là. En tout cas, c'est mon idée. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ah, copie-là, mais c'est une bonne idée. Inspirez-vous de Tania. Ah, merci. Tania m'inspire. Sinon, vous voulez vous rendre du côté de Los Angeles. Donc, qui a jamais vraiment rêvé d'aller à Los Angeles, en Californie? Il fait chaud. Ouais. Tout est beau là-bas, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose de pas beau à Los Angeles. C'est très loin, par contre. Oui, il y a beaucoup de trucs à voir. Bref, c'est magnifique aller à Los Angeles. Et ça tombe bien parce que les billets d'avion sont là, présentement. Pour la somme de moins de 300 $ aller-retour cet automne. Taxe incluse, non? On dit pas taxe incluse, non. Par exemple. Donc, plus taxe, ouais, c'est ça, plus taxe, probablement. Mais avouez que c'est tentant, là. 300 $ aller-retour. Allô? C'est sûr que je dis. Qu'est-ce qu'on fait encore ici? Oui, c'est ça, exactement. Mes vacances, finalement, boss, je vais les prendre à partir d'aujourd'hui. Et pour toujours! Exactement. Sinon, si vous êtes plus du style, touristique, mais vous n'êtes pas vraiment du genre à aller sur les plages, tout à l'heure, on discutait de New York, mais il y a aussi Chicago, qui est quand même assez intéressant ces temps-ci. Et bien évidemment, Chicago, c'est le fun à visiter encore une fois pour les endroits qui ont été tournés là-bas. Mais si vous tripez sur les musées, par exemple, Chicago possède plusieurs musées. Alors, avec des prix qui sont avoisinants vers les 260 $ pour un billet d'avion aller-retour, un voyage à Chicago, je vois pas pourquoi ça te ferait pas du bien. Non, vas-y, ma fille, go Chicago! Écoute! Chicago! Puis, tu sais, si t'as pas envie de prendre l'avion, puis si tu veux rester un petit peu plus près du Québec, mm-hmm. ben on peut, tu sais, on vous propose toujours les road trips. Évidemment, ben oui. Tu sais, aller à Toronto, honnêtement, de prendre l'avion pour aller à Toronto, de passer les douanes, de tout faire ce que tu dois faire dans l'aéroport, prendre l'avion, te rendre à Toronto, ça prend normalement approximativement le même temps que de te rendre en auto. Ouais. Je te demande. Retournez écouter la chronique de tantôt que Tania a fait, puis faites la route des savons. Oui! Le soap trip dont je parlais tantôt. Hein. Rendez-vous à Percé. Oui. Et qui dit voyage, dit on veut rencontrer le grand amour en voyage, okay. Mathieu. En fait, le lien est vraiment pourri, je vais vous l'avouer. Ça ressemble à un lien. Mais je veux vraiment, en fait, plugger quelque chose qui est très drôle. Parce que ça m'a été envoyé... ça m'a été envoyé par quelqu'un qui se soucie de ma vie amoureuse. Okay. Et je dois le remercier. Merci beaucoup. Ton père? Merci d'avoir vendu le punch. Mais en fait, c'est une conférence qui va avoir lieu ce soir à Trois-Rivières, okay. Du côté, attention, de la librairie Poirier, mm-hmm. à 17h, ici même. Donc, c'est sur le boulevard des Récollets, je crois. Oui, ouais. Des Récollets, exactement. C'est la conférence « Comment trouver l'amour » selon une spécialiste. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Ben oui, parce que si tu pars en voyage, tu veux trouver le grand amour, tu veux avoir les clés déjà dans ta poche pour pouvoir dévoiler ton grand jeu. Lorsque tu vas rencontrer Pedro ou je sais pas qui là, à Chicago. Là. Est-ce qu'il va te pogner les fesses comme le gars d'hier à Chasse-Garry? J'espère pas. Et c'est Bénédicte Anne qui donne cette conférence-là. Donc, c'est la vie. C'est une conseillère en relations amoureuses et elle est de passage au Québec. Elle fait plusieurs conférences. Ça a l'air voyage, que ça pogne, man. Ça pogne, ça a l'air, là, c'est incroyable. Et on dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à avoir une vie amoureuse selon des vieilles habitudes. Savoir d'où on vient aussi, on a de la difficulté à se connaître un petit peu. Et sinon, ça serait aussi comme ça, entre parenthèses, par rapport au fait qu'on se retrouve toujours à être un enfant face à une relation amoureuse. Je dis ça comme ça, moi je pense que je vais aller à la conférence ce soir. Oui. Je vais peut-être en apprendre sur moi-même. Après, t'as fait couper les cheveux. Exactement. Fait que tu vas pouvoir aller cruiser directement après. C'est ça que je voulais dire. Je vais pouvoir aller cruiser directement à la conférence. Belle journée. Voilà. mettez en action ce que vous allez apprendre à la conférence ce soir en voyage. Et qui sait, peut-être allez-vous revenir avec un amour incroyable. Peut-être. Peut-être. Merci Tania. Ça fait plaisir. Quelle belle chronique courte. On aime ça, court, mais savoureux. Ah oui, très savoureux. On passe à une autre pub au retour. Le retour d'une collègue, le retour d'une amie et le retour d'une chronique sur les séries télé. On aime ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Non, c'est vrai. Restez là. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin, ce jeudi 17-14. Le mois passé. Tu t'en allais nous mettre directement en fin de semaine, toi. Mais avoue qu'on est quand même bien parti pour la semaine et pour le mois. Très bien. En commençant le 11, ça passe vite. On a déjà la moitié du bois de fête. Point, point, point, point, point. Toujours donc à l'émission matinale en pièces détachées. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques temps, en fait, de ça. Voilà, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Non, même plus récemment que ça, on l'a entendu dans nos oreilles. Je comprends, mais je vais dire en tant que co-animatrice, mais t'as raison qu'elle est revenue une couple de fois faire un cheese quiz. Exactement. Puis on a mangé ensemble aussi une couple de fois, il me semble bien. Donc c'est Stéphanie Paradis. Salut Steph! Bon matin! Bonjour à toi. Ah, quelle voix! Ça me fait plaisir de l'entendre. Oui! On aime ça. Vous êtes peut-être les seuls, par contre. Ouais, ben on sait jamais. Ou, ben en fait, il y a sûrement des gens qui vont, ben. Moi, je la réentends pas. C'est qui ça? C'est qui ça? Ça va arriver à chaque fois. Qui est nouveau, là, ceux qui viennent d'arriver. Là. Voilà. C'est donc, Stéphanie Paradis, qui a travaillé avec nous quand même assez longtemps, assez fou, mm-hmm. et aux zones campus. Et maintenant, ben, Colin, elle a pris son envol. Hein? tel un oiseau. Elle est rendue au-dessus de ça. Mais après ça, elle revient en rampant pour dire « je veux une chronique ». Non, mais on est heureux de la revoir parce que ça faisait longtemps qu'on disait qu'il fallait qu'elle revienne parce qu'on aimait ça de la voir. Puis là, elle a choisi en plus de faire un sujet qu'elle aime, c'est-à-dire parler de séries télé. Oui! C'est cool! Je te dirais que récemment, je t'ai assis une patate de sofa. Une patate de sofa, c'est ça, tu sais, une patate de sofa. T'as-tu Netflix? Elle, ben oui, je viens de comprendre pourquoi. C'est ça, fait que là, tu sais, on a comme une petite intro que j'ai pas encore tout à fait montée, mais quand... Oh! Patate de sofa? Oui! C'est comme ça qu'on appelle ça? Hey, j'ai quasiment peur que ma toune soit trop bonne pour ma chronique. Ça pourrait être déconcentrant une toune avec un beat de même, hein? Hey. La pression est quand même assez haute, là. Faut que tu sois aussi bonne que ton fond, que ton thème. Ouf! Ça va être difficile. En fait, ma série sera pas aussi bonne que non. Le thème. Tu commences pas avec une affaire déprimante comme... Ouais, là. Non, pas déprimante. Mais 13 re... Non! Non, mais imagine, à deux semaines d'intervalle, ouais. Je commence une série, je l'écoute. Mettons qu'elle n'est pas bonne, j'ai pas le temps d'écouter une autre. Ben non! Donc, je vous en parle. C'est okay. Ça. Ouais, je suis d'accord. Une chose à la fois, elle peut pas tout faire. C'est très bon. Et je voudrais pas aussi faire croire aux gens que tout est beau à la télé. Non, tout n'est pas rose. C'est vrai. On sait jamais. Donc, c'est seulement des séries Netflix ou non, tu vas regarder n'importe quoi, n'importe où? Écoute, je veux pas mettre de barrière. Hein, on commencera pas ça comme ça. Liberté. On se donne la liberté. Tel un yogourt. Tel un yogourt. Oui, entre autres. Oui. Mais ça donne que présentement, je suis pas mal sur Netflix, donc on va probablement y aller principalement avec les nouveautés Netflix. Mmh. Donc, je vais suivre ce qui va arriver mois par mois sur Netflix. Je peux même. Que t'es là, pour... Ah, ça peut être pratique quand même. Mais définitivement, je vais me fier à toi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Timeless. Donc, mais c'est pas une création originale de Netflix. C'était, ça vient d'NBC, ça? Oui, c'était diffusé sur NBC à l'automne 2016. Mais ceux qui n'auraient pas Netflix et qui voudraient quand même l'écouter, ouais. Ben, ça va commencer à V cet automne. Ah, pour vrai? Donc, le 21 septembre prochain. C'est un bon achat. C'est rare qu'ils achètent des séries qui sont pas comme déjà annulées, tu sais. Ouais. Ben en fait, elle avait été annulée et 3 jours après, ils l'ont désannulée. Ça se dit-tu ça? Non, mais on va le dire. Écoute, on va le dire parce que c'est ça qui est arrivé. Mais c'est rare que ça fonctionne, des trucs comme ça, de manifestations, de gens qui hashtag ça sur Twitter. En 3 jours, en quand trois même. En 3 jours. Tu sais, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les gens j'ai capotent. J'ai pas de détails. Ah, OK. Les gens capotent, mais... Il y a des gens influents qui avaient signé cette petite... Mais Steph, à date, a l'air de dire que c'est pas nécessairement la meilleure série au monde. Fait qu'on va voir pourquoi est-ce que les gens ont voulu que ça revienne si c'est pas si bon que ça. Je sais pas, je me questionne là-dessus. Là. Ben, c'est comme entre les deux. Bon, je vais tout vous expliquer ça. OK. Donc, en passant le titre, au Québec, ça va être intemporel. Intemporel, c'est beau. C'est correct ça comme fit. Traduction. Ouais. J'ai déjà vu pire. Donc, c'est une télésérie américaine qui a été créée par, là, je m'excuse pour le nom, Eric Kripke. Kripke. Et Sean Ryan, qui est plus traditionnel. Donc, le premier, appelons-le Eric, et non par son nom de famille, c'est quand même un nom important en science-fiction américaine. Donc, il a notamment été auteur sur les séries Supernatural et Revolution. Ah, donc, moi, j'avais d'ailleurs commencé Revolution il y a plusieurs années. Donc, mais c'était à l'époque où j'écoutais à peu près 20 séries en même temps. Donc, j'en ai abandonné. Je suis plus capable de faire ça, moi, non plus. Non, hein. Non, fait que là, après quelques années, t'as pas le goût de retourner à ces vieilles séries-là. Mm-hmm. Donc, même Game of Thrones, ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté que j'ai même plus le goût d'y retourner. Non, pas vrai. C'est vrai, c'est plate de même. Moi, avec, je me suis dit... le pire, c'est que c'est hier, je me suis dit, hey, je devrais recommencer Game of Thrones. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait... On ça est m'a passé gossé au dragon, chose. Ça va encore me gosser. On est passé à autre chose. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, après 9 saisons de Gilmore Girls, t'es passé à d'autres choses. Eh boy, hein. Oui. J'ai écouté aucune de ces deux-là, fait je peux même pas commenter, j'ai aucune idée. Donc, oui, et si on parle du second, Sean Ryan, il est entre autres connu pour son travail en tant que producteur sur la série Angel, qui est le spin-off de Buffy contre les vampires, et Lie to Me. Qu'on connaît bien au Québec. Que V jouait aussi. T'sais. Aussi, exactement. Ouais. Donc, on peut déjà s'imaginer... Tu sais, c'est le genre de série qu'on voit à V. Ouais, donc, c'est ça. Ça fait V. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas la plus grosse production, mais c'est quand même quelque chose de qualité. Mais tu sais, que tu le vois, c'est pas les acteurs nécessairement qui aurait voulu en premier. C'est ça. C'est les acteurs de série B. Ouais. Non, je dirais B.5. OK. OK, même c'est, pas C, là. C'est le choix de deuxième non, non, ronde. Non, non, c'est ça. C'est pas si pire que ça non plus. Donc, la série met en vedette Abigail Spencer, qui nous joue Lucy Preston, historienne et anthropologue. On a ensuite Matt Lenter, qui incarne Wyatt Logan, sergent-chef des Delta Force. Malcolm Barrett, qui joue Rufus Carlin, scientifique, pilote et co-créateur de la machine à remonter le temps. Et lui, il est croate. Fait que son nom, il a plein d'accents. Donc, appelons-le Goran Visnjic. Ouais. OK, ouais, mettons, ça sonne bien. Ouais. C'est ça. Donc, lui incarne Garcia Flynn, qui est le rôle du méchant. Ah, ben oui, évidemment. Bon. C'est sûr que le Croate va jouer c'est le rôle ça. Du méchant. Profilage racial. Ben, c'est ça, hein? Pourquoi je suis pas surprise? Mm. Mais c'est vrai, tu sais, il y a des traits qui vont faire que son casting va probablement toujours être dans ce champ-là. Mais on peut pas faire autrement. Réal Bossé, mettons, est quand même assez polyvalent dans son style de face. Écoute, excuse-moi, c'est pas de ta faute, c'est ta face. C'est ça, c'est ta face. Pas ta faute, c'est ta face. C'est ça. Voilà. C'est pas ta faute, c'est ta face. On va la retenir, celle-là, je pense. Oui, bon, je parlais du méchant. Sauf qu'on va constater que gentil, méchant, bien ou mal, c'est une question de perception. Puis on va commencer à s'interroger sur... C'est le bon côté qui défend la plus noble cause et de quelle manière il la défend. Mm-hmm. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a la petite zone grise. La non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer. Il me reste encore 5 épisodes. C'est combien à écouter. En tout d'épisodes? C'est 16 épisodes. Okay. Okay. À l'origine, il y en avait 13, mais NBC en avait commandé 3 autres. Donc, puis après c'est ça, ils ont dit non, ouais, vous en ça, allez. Finalement. Puis ils ont dit non, vous revenez. C'est ça. Donc, branchez-vous. On aime ça, hein, les réseaux bipolaires comme ça. Exactement. Mais sinon, je suis quand même bien avancée, assez pour en parler quand même. Donc, si on parle des acteurs, Abigail Spencer, on l'a vu dans Rectify, Mad Men. Elle a aussi fait des apparitions dans des séries qu'on connaît bien ici, comme Castle, Bond, Gilmore Girls, Les Experts. Mais on s'entend, c'est un rôle, donc ouais, un épisode. Mais le rôle, en fait, qui m'a permis de la replacer, je sais pas si tu vas t'en rappeler, Mathieu, mais je sais, toi, tu l'as écouté, Tania, je sais pas de ton côté. Mais elle a joué le rôle de Blabla dans How I Met Your Mother, qui était une conquête de Ted dont personne ne se rappelait le nom. Elle en a tellement eu, ouais! C'est le fun, hein? Ça me dit rien. Ben, c'est ça, il en parlait dans le passé, mais oui, comme il se rappelait pas de son nom, ben, il l'appelait Blabla. Drôle. Donc, c'est ça. c'est ce rôle-là. Non, moi, c'est comme ça que je l'ai replacé parce que je suis encore en train d'écouter How I Met Your Mother pour la 8e fois. Ah, pour vrai, hein? Ouais, au complet? Ah, oui, oui. Ah, c'est bon. On se tenne pas. Non. À chaque fois, on l'écoute. Ah, oui, ça, c'est vrai. Tellement. Donc, en passant, si vous n'avez pas écouté ça, c'est le temps. Ouais, c'est ça. Laissez faire Timeless puis allez écouter How I Met Your Mother. C'est encore sur Netflix, donc dépêchez-vous. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Ensuite, comme Friends, d'ailleurs. Comme Friends, ça aussi. Mm-hmm. Oui, il faut écouter ça. Mm. J'ai essayé deux fois, puis ça marche. Je pense que c'est les rires en canne, moi, qui Il est pas ça dans Mother aussi? Oui, mais au moins, c'est drôle, eux autres. Ouais, bah, c'est bah, bah, bah. Ensuite, si on parle de Matt Lenter, je dirais l'autre second rôle, il fait beaucoup de doublages de séries animées, comme dans la série Ultimate Spider-Man. Il fait aussi la voix d'Anakin Skywalker dans les séries Star Wars Force of Destiny, Star Wars Rebels, donc tous les petits les animés de Star Wars. Ouais. Avoue qu'il aurait dû jouer The Green Lantern vu qu'il s'appelle Lantern, le gars. Ou pas. Non? Ouais, c'est ça. Et aussi dans les jeux vidéo de Lego Star Wars. Ah. Donc, il fait vraiment la voix d'Anakin un peu partout. Mm-hmm. On a pu aussi le connaître précédemment dans un tout autre registre, donc dans 90210 Beverly Hills, Nouvelle Génération. Eh, hey, mon Dieu, moi, je me souviens de lui dans ça. En tant que Liam Court, si jamais... Pire! Le pire! Il a joué, Edward Cullen dans l'excellente... Excellente parodie de film de vampire Vampires Suck. Elle savait vraiment c'était qui, là, Tania. Ouais, ouais, ouais. Ou Mors-moi sans hésitation. Exactement. Qui est la tradition au Québec. Oui, ben oui. C'est vraiment drôle ce film-là. Si jamais vous avez jamais. Si vous avez jamais vu ça, là. Ah. Faut c'est pas au moins. Du sarcasme. Non, non, non, c'est vraiment juste très drôle, là. C'est un film de parodie de vampire. De Twilight. Twilight, ouais, exactement. C'est genre le gars, il shine, là. Ça c'est bon. Tellement drôle, là. J'avoue. Ouais. Ça mérite d'être... C'est vraiment très léger, là. T'écoutes ça... C'est... On s'en doute que c'est ça va être léger. Il a aussi joué dans Disaster Movie, qui est un autre parodie de genre. Voilà. Heureusement, il a aussi fait des apparitions dans Heroes, Les Experts et Grey's Anatomy. Et moi, j'attends avec impatience Pitch Perfect 3, ouais, dans lequel il va être. J'ai vu ça. Ah oui? Donc, ben moi, j'aime ça. C'est mon petit côté fifi. C'est ouais, très rare que j'aime les films de filles. Mais ça, j'ai accroché. Puis il va être là-dedans. Un film de chant, là. A cappella. A cappella. Ouais. Ouais. Mais il chante bien. C'est de la bonne musique. C'est entraînant. On aime Fatimi. Mm-hmm. Ah, elle est tellement drôle. Ouais. Voilà. D'embranchement à parler de d'autres choses, oui, que la série. Oui, mais c'est sûr, on parle de série en général. On voit notre amour ici là, pour la télé. Là. Donc, on va parler un peu de l'histoire de Timeless. Donc, on se retrouve quand même avec un filon prometteur. Donc, tout est en place pour développer une intrigue bien ficelée. Tout s'enchaîne très rapidement. Dans le pilote, ça commence pratiquement tout de suite avec des terroristes qui vont voler une machine à remonter dans le temps dans les laboratoires de Mason Industries. Ils vont kidnapper par la même occasion l'inventeur de la machine. Ben oui, pourquoi pas? Le professeur Anthony Brühl. S'ils veulent pouvoir se servir de la machine, faut c'est le ça, exact. Ben, oui. Ben c'est le pilote aussi. Tu sais, ça a l'air que c'est pas n'importe qui peut piloter ça. C'est le pilote dans le pilote de l'émission. C'est pratique quand voilà. même. Voilà. C'est le manuel d'instruction, le gars. Donc, suite à ce vol, on fait appel à une historienne, un sergent-chef des Delta Force et un scientifique pour s'allier et arrêter les terroristes et leur leader, Garcia Flynn, qui s'est sauvé dans le passé avec la machine. Donc, c'est un classique, là. Les personnages qui ne devraient pas être ensemble, mais qui vont finir par très bien se compléter. Drôle de couple. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, après leur première escapade après Garcia Flynn dans le passé, tout s'est pas déroulé comme prévu. Le présent de Lucy est changé de manière considérable. Mais pourquoi son présent à elle et pas celui de ses deux acolytes? Donc, on va deviner que son destin est un peu plus étroitement lié à toute cette histoire-là qu'elle ne le croyait à l'origine. Le petit problème, c'est que c'est la portion de l'histoire la plus intéressante, mais sur laquelle on passe le moins de temps. Donc, moi, c'est ça qui m'a titillé un peu. On s'attendrait à ce qu'il développe un peu plus cet aspect-là. Mais c'est un peu mis de côté. Donc, j'imagine, j'ose espérer que vers la fin de la saison, on y revient et que ça serait. Peut-être. La théorie est que peut-être qu'en ayant seulement 13 épisodes au départ, peut-être qu'ils devaient accélérer un petit peu. Quand ils en ont rajouté 3, peut-être qu'ils ont réussi à pouvoir prendre plus d'ampleur. Voilà, mais justement, on a toujours l'impression à la fois que ça va trop vite, mais pas assez vite. C'est ça l'affaire avec 13 épisodes. Ben c'est oui. très court. Mmh. Oui, c'est très, très court. Donc, plus les épisodes avancent, plus on se rend compte que les poursuites à travers les années, les époques, sont comme plus une trame de fond. Ah. Que le voyage dans le temps n'est pas assez, assez exploité. Ça aurait pu être... Non, son plein potentiel n'est pas là au voyage dans le temps. On voyage comment dans le temps? Est-ce qu'on voyage avec un effet... quelque chose? Comme ça. Ah, mais c'est une petite machine, là, ronde, puis pop. Ça pop. Donc, c'est ça, les changements dans le présent sont quand même assez mineurs à chacun des voyages. Moi, au début, je penserais qu'ils seraient coincés dans le temps et que ça continuerait là, dans le passé. Mais non, ils reviennent à chaque épisode, pas toujours sans problème, mais ils reviennent. Est-ce qu'ils modifient le passé, ce qui affecte le présent? Ils affectent le présent, mais c'est toujours mineur. Il y a toujours le présent de Lucy qui a été modifié. Sinon, dans le fond, elle, son travail, justement, c'est de préserver l'histoire, être historienne. Et elle, son travail, c'est de s'arranger à ce qu'il n'y ait pas trop de changements dans le présent. Donc, c'est toujours des détails mineurs qui vont changer. Donc, on verra pas des affaires genre l'autre gagne à la guerre, a gagné, puis là, ça a changé, puis là, tout le monde est nazi, de quoi. Pas jusqu'à présent. Donc, c'est ça, quand ils reviennent, ben on voit qu'ils lisent les nouvelles là, sur Internet pour voir comment ça s'est passé. Souvent, on parle d'eux comme étant les inconnus, blablabla. Donc, c'est quand même intéressant, mais il aurait pu pousser encore plus cet aspect-là qui est, selon moi, le plus intéressant dans l'idée de voyager dans le temps. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des anachronismes? Est-ce qu'on les voit avec leur cell dans le passé ou des trucs comme ça? Ben, leur cellulaire, ils peuvent pas. Il n'y a pas de réseau de toute façon en 1724. Ils peuvent jouer à des jeux. Non. Ils peuvent jouer à Tetris. Calculer des affaires. Ils apportent des armes à feu. OK. OK. Mais tu sais, ils essaient de les cacher. Ou souvent, il y a des commentaires, on dit « Mais qu'est-ce que ce type d'arme à feu? Mm-hmm. » Mais pas vraiment. Sinon, j'ai pas remarqué personne qui avait oublié d'enlever sa montre. Moi, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui. Néanmoins, on parle... Les personnages sont quand même intéressants. C'est sûr, on parle de l'histoire. Donc, au début, la première hypothèse, c'est que Garcia Flynn veut... saccager l'histoire américaine, tuer l'Amérique dans son berceau. Donc, on s'en va vraiment à des moments très précis dans l'histoire. Donc, on va assister au crash du dirigeable Edinburgh en 1937. Oh, c'est intéressant, ça. L'assassinat du président Lincoln, oh. Scandale de Watergate. On va aussi rencontrer Bonnie and Clyde. Ah ouais. Nice. Donc, les reconstitutions sont bien faites? Ben c'est dur à dire, j'étais pas là non plus dans les années 1800. Est-ce que ça a l'air vrai? Mais oui, ça a l'air vrai. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de voir comment on aurait pu les incarner, comment ils auraient pu être. C'est autre chose de lire que de voir. Et c'est sûr que tous les passionnés d'histoire, que peu importe que ce soit histoire américaine ou histoire en général, c'est très intéressant. Moi, je suis du genre à me mêler dans les dates. Tu sais, on connaît les nombres, on sait pas trop quand ça s'est passé, les impacts que ça a eu. Donc ça, c'est sûr, l'historienne va expliquer en gros. Et attention, t'es cette personne-là est très importante parce qu'elle, dans tant d'années, elle va faire telle chose. Ouais. Donc, on doit la protéger, c'est très important. Sinon, l'Amérique ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de les croiser, d'en apprendre sur eux. Mais il y a juste la petite chose qui me titille, c'est être historienne, puis c'est toutes ses idoles, puis à chaque fois, elle commence à amoison devant eux autres, t'es comme, décroche. On a compris. Ouais. Habitue-toi, c'est ton 15e voyage dans le temps, si ça revient-en à la grande. Wow. Sinon, on a Wyatt Logan, hein, qui ne pense qu'à retourner dans le passé pour sauver sa femme décédée. Oh. Et le classique, il se sent coupable de sa mort. Mais évidemment. Mm-hmm. Et on a aussi l'ami scientifique noir qui doit subir le sort réservé aux noirs dans les différentes époques. Oui. Donc ça, c'était très intéressant aussi de voir l'évolution de l'histoire des noirs en Amérique. Et c'est sûr, il y a des époques... Il passe un peu plus inaperçu et d'autres, il a juste pas le droit de rentrer à certains endroits. Donc, il peut pas aller aider les deux autres. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est très intéressant à voir. Faut qu'il cherche ses propres toilettes et ses propres buvettes. Ouais, c'est ça. Mm. Exactement. Sinon, on a ben, justement l'ami scientifique qui manque un peu de confiance en lui. C'est un petit peu cliché sur les personnages. C'est un scientifique, là. J'imagine qu'il est un petit peu nerd. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais... malgré que peut-être les personnages manquent un petit peu de profondeur. Okay, okay. Lui, entre autres, j'aime bien voir son évolution avec les voyages dans le temps. Il prend de la confiance en lui et il est vraiment pas inutile. Mm. Et pas juste comme on pourrait penser avec tout ce qui est informatique. Il va vraiment apporter quelque chose de très intéressant à l'équipe. Ouais. La profondeur, ça se ficelle à travers les épisodes. Oui, c'est sûr. Il faut laisser aller. Ouais, mais là, après 11 épisodes sur 16... 11! Ouh. OK, je pensais regarder à la moitié. Genre, OK, 11, c'est beaucoup, là. Non, c'est ça. Il m'en manque 5, ouais. Là. Si je compte bien. Je compte pas bien, mais vous c'est pouvez pas compter. Grave. Cas. On n'est pas mieux que toi. Donc, ce qu'on aime de la série, ben, on en apprend beaucoup sur l'histoire américaine. Ensuite, les contrastes entre l'époque actuelle, qui est généralement illustrée dans le laboratoire avec la machine à remonter dans le temps, avec le contraste du passé où on retrouve peu de technologie, c'est très intéressant de voir ça, de voir les habillements aussi qui vont changer. Ils s'habillent toujours avant de partir. Okay. Donc, ils ne sont jamais habillés tout croche. Ils ont un gros garde-robe. Hein. Là, ils peuvent s'habiller en conséquence selon le pays, selon l'époque. Est-ce que ça dit dans l'équipe qui a choisi les vêtements, qui a acheté ça dans une friperie? Ça doit être l'historienne. Sûrement l'historienne, c'est ça? Est-ce qu'ils s'habillent en noir et blanc? C'est une blague. Non, mais la série est en couleur. Merci. Sinon, ce qu'on aime, c'est que l'action n'arrête jamais. Il n'y a vraiment aucune longueur dans la série. Mais je te dirais, ils essayent beaucoup de condenser ça. Oui. Peut-être trop. Oui, c'est ça. Mais justement, ça aurait pris beaucoup plus que 16 épisodes. Ouais. Il n'y avait peut-être pas le budget non plus à la base au début. Est-ce que les effets spéciaux pas mal ou pas vraiment? Des coups de feu. OK. Mais explosions, ben ouais. Non, c'est ça. Je dis science-fiction, c'est vraiment juste l'aspect machine à remonter dans le temps. Mm-hmm. Mais tu sais, dans le passé, il n'y avait pas vraiment... C'est assez relax. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Sinon, ce qu'on aime, ben, ils voyagent dans le temps. C'est cool. Ouais. Hein? Bon. Qui n'aime pas ça? Attends, là. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, Stéphanie? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Ce qu'on aime moins. Ah, oh, OK. Oh. Ça s'en venait. Les personnages qui sont peu profonds. Donc, comme je vous ai expliqué un peu le rôle de chacun, là, le soldat avec son petit syndrome post-traumatique, puis le nerd avec un petit manque de confiance. T'sais, on ils aurait ont une caractéristique chaque, c'est puis ça. Ils font juste ça. On aurait pu aller un peu plus loin dans le développement des personnages. Sinon, le scénario stagne un peu. On nous parle à un moment donné, ben, on en parle tout le long de Rittenhouse, un nom important à retenir, supposément les vrais méchants. Mais les informations arrivent au compte-gouttes. je dirais que ça vient que c'est frustrant parce qu'on veut savoir, mais ça fait que finalement on enchaîne épisode par-dessus épisode, fait que ça fonctionne peut-être un peu malgré nous. Sinon, les personnages principaux sont décevants, pas juste dans leur profondeur, mais dans aussi parce que on veut des héros, puis on dirait qu'ils arrivent à rien. Donc, on a notre Garcia Flynn qui a toujours deux coups à l'avance. Mm-hmm. C'est frustrant. Donc, à un moment donné, on est comme, ben pourquoi, dans le fond, ils ont choisi ceux-là? Il y en aurait tellement des meilleurs! Le Delta Force, là, ouais, fonce dans le tas, mais t'as pas de résultat. Est-ce que tu penses que la saison 2 mériterait un petit reset? Un petit genre brasse camarade de personnages puis de concepts? Tu sais, le même système, le même principe, ouais. Mais brrr. En fait, partager un peu. Oui, parce que moi, je suis pas du genre à aimer qu'on aime... J'aime pas qu'on change les personnages. OK. Tu pourrais garder ceux-là puis en ajouter d'autres. Mais on pourrait tout simplement ajouter des nuances à leurs personnages. Okay. Parce que là, ils évoluent quand même dans la première saison. Et je pense qu'il y aurait peut-être des choses intéressantes qu'on pourrait amener, peut-être avec leur passé, ouais. Pour venir ajouter une petite nuance à chacun des personnages. Je pense que ce serait quelque chose de faisable. Parce que sont pas nuls, sont juste décevants. Quand mal on développé. Regarde beaucoup de séries, on est habitué à voir ce genre de personnages-là, mais ça serait facile, selon moi, d'ajouter un petit quelque chose pour venir donner une petite étincelle à chacun d'eux. Mm-hmm. Donc, ben, je vais noter la série en général, mais moi, comme je suis une patate de sofa, je vais juger cette série sur mon échelle de patate. Hein? Donc, on passe de patate germée à poutine extra fromage. Wow. Okay? Et je donne à Timeless la note de patate pilée. Donc, c'est rien de nouveau, c'est traditionnel, c'est réconfortant. On s'en prend un deuxième bol parce que même s'il n'y a rien de magique, ben c'est satisfaisant. Hey, je suis à terre avec ces cotes-là. Là, on a de la poésie ce matin. C'est malade comme système. J'aurais aimé y penser. Je suis jaloux. Bravo, Stéphane. C'est aussi là, je m'en allais. Je crée Mathieu, il doit le. Oui, ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur depuis toujours, Stéphanie Paradis. Non, c'est pas vrai. Tellement content de te retrouver. Je suis très contente d'être là. Aux deux semaines dorénavant. Oui. Mais là. Quoi? Hein? Ouais. J'ai un dilemme. OK. Faut que j'écoute une nouvelle série dans deux semaines. Mm-hmm. Mais faut que je finisse Timeless. Ben là, oui. C'est je peux pas arrêter ça là. Okay. Donc, pendant la saison, à chaque deux semaines, une nouvelle série, puis à la fin, tu finis les séries que t'as commencé. Ouais. Non, je peux pas. Puis en plus, moi, j'avais commencé une série juste pour moi. Ouais. J'étais en train d'écouter Iron Fist, mais là, je l'ai mis de côté. Mm-hmm. J'ai plus de vie. Suggestion que j'aimerais aussi, si éventuellement tu termines Timeless et que tu veux revenir au début d'une chronique en disant en passant, j'ai fini Timeless, puis ça devient meilleur pour moi. Oui, je vais faire un petit retour sur chacune des séries pour être certain là, qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde. Tu vois, elle avait déjà eu l'idée. J'apprendrai rien si c'est Steph Paradis. Oublie. Elle sait tout. Exactement. Voilà. Tu passes deuxième. Merci, Steph. Troisième. Ouais, c'est ça. OK. Ça dépend de l'échelle de patate. De patate. À dans deux semaines. Alors, en fait, Steph Paradis va rester avec nous. Ben oui, j'ai pas déjeuné. Je termine la chronique pour le fun, comme ça, pour être officiel dans mes affaires. Elle va rester pour une grosse pointe en dresse qu'on va faire dans quelques instants. Elle dit qu'elle n'a pas mangé. On va voir si ça va durer. Ou pas. On vient dans deux minutes à son âge. Pour l'écouter. Assemblage Rocky qui se poursuit en ce jeudi 14 septembre 2017. Tania Baudin est là. Et Mathieu Plante. Oui, on a gardé Stéphanie Paradis de la chronique précédente. Et bien contente, je pense, de rester pour une grosse pointe à l'adresse. Mais nous aussi, on est contents. Hey, on est tellement content d'avoir quelqu'un en général, mais d'avoir Stéphanie Paradis en plus. Exact. Hey, ça bat-tu David Ferron, ça se passe? On t'aime, David, on t'aime. On t'adore. Mais prends congé, déjà. Il est tout petit. Ben là, il pleut, là. Non, il pleut. Cette semaine, il n'a pas été là beaucoup. C'est vrai, t'as raison. On prend une pause musicale cette fois-ci, parce qu'on doit un petit peu respirer de temps en temps. Donc, avant de faire une grosse pointe d'adresse, on se claque, après avoir parlé de série télé, une pièce qui porte le même nom qu'une série. C'est Heure Bleue. Ouh! De Police des Mœurs, tout de suite. À son âge, Ricky! À ses fous, 89 FM! pas les idées à Assemblage Requis ce matin. Et t'es pas sûr, mais c'était ça. T'as remarqué. Donc, oui, toujours Assemblage Requis. Et il nous reste encore une demi-heure ensemble. On rappelle qu'on termine à 10h. En fait, je pense qu'on n'a pas dit l'émission d'aujourd'hui. Donc, on va rappeler quand même. On qu'on le dit est, là, pendant comme 15 minutes. Pas mal. On a du lundi au vendredi entre 7h et 10h. C'est facile à retenir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, en direct, vendredi, meilleur moment. 7h à 10h. That's it. Et il n'y a pas plus simple que ça. Hey, ce qui me rappelle. Tania, ça me rappelle l'animateur d'Assemblage Requis. Oui. C'est aussi le gars qui anime une autre émission. Oui, Les Palmarès, c'est fou. Oui, c'est ça. Et on lui parle, justement. T'sais. Plus tard aujourd'hui, au Palmarès, c'est fou, on terminera la semaine avec la portion top 5. On entendra donc les positions 5 à 1 franco et anglo avec entre autres les pièces de White Horse, Fudge et Amor Blitz. Les Palmarès, c'est fou, c'est du lundi au jeudi et aujourd'hui, entre midi et 13h. Soyez-y. Merci Mathieu, c'était ce qui s'en vient au Palmarès, c'est fou tout à l'heure. Maintenant, c'est une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. C'est pour ça les longues intros. Les longues intros. Mon sac était de l'autre côté de la pièce. Et me voulait arriver avec mon produit dans mon sac en dessous du, de la table de notre bureau. La raison pour laquelle j'ai demandé à Tania d'aller chercher des verres et de l'eau. Oui. Tu te rappelles qu'en intro, j'ai mentionné que ça allait être une des choses qu'on aime le plus au monde. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as des idées de ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'on aime le plus au monde? Qui utilise de l'eau chaude. Le café. Le café. Ça approche d'être le café. Je pense, hein? C'est le café, bien sûr. Ouais. Donc, là, évidemment, Stéphanie Paradis arrivait en studio tantôt avant sa chronique et elle me dit « Où est mon café que tu me dois? » Et là, elle de me répondre « Non, non, non, non, j'en veux pas parce que, rappelle-nous pourquoi t'en voulais pas. » J'ai pas déjeuné, je vais shaker. Mais c'est un shakeage qui vaut la peine, mais je pense. Tu peux boire 3 gorgées sans shaker. Je peux boire 3 cafés sans shaker. 3 cafés? 3 litres, oui, je peux boire 3 cafés sans shaker. J'espère. Il faut des fois aller à l'encontre de nos règles qu'on s'impose pour savourer du bon goût. Hein? Et donc, à la pharmacie, j'ai croisé un produit que vous avez peut-être déjà goûté. En fait, j'espère que non, parce que le but de la chronique est qu'on goûte des choses qu'on n'a jamais goûtées. Mais c'était en spécial, ça faisait longtemps que je le voyais du coin de l'œil. Mm-hmm. Et je m'étais dit, il me semble que c'est une drôle d'idée, mais ça me tente d'essayer quand même. OK. J'ai parlé tantôt, je me rappelle pas si c'était avec Tania ou avec Stéphanie, qu'on avait goûté au café Starbucks Via, en petit tube. C'est avec moi. C'est avec Tania. Bon, parfait. Donc, c'est un peu le même principe, mais c'est par Nescafé, crémeux et sucré avec le lait et le sucre intégré. C'est pas bon. T'as pas aimé ça? Ah, non, c'est pas vrai. Je voulais juste briser tout. Hey, je suis si naïf. Tu y as cru? Si naïf. Non, mais pour vrai, quand je suis allé à la pharmacie, qui est un des endroits où j'achète mes affaires, pharmacie, épicerie, dépanneur, c'est ce que je fais. Mm-hmm. Quand je l'ai pris, que je l'ai amené à la caisse, parce que c'était en gros spécial, genre, c'était comme le tiers ou le quart du prix de d'habitude. Tu trouves pas ça louche, toi? Ben, ouais, c'est non, ça, vous. Ça fait sûrement genre, on veut que vous l'essayiez, peut-être. Ou ça fait plus vraiment longtemps qu'il est là, ouais. Aussi. Mais bref, la fille à la pharmacie m'a dit que c'était quelque chose qu'elle achetait souvent et que même, elle l'avait tout le temps à la maison et que quand ses enfants venaient la visiter, non seulement ils en voulaient tout le temps, mais ils lui en ramenaient d'autres. Aïe. J'imagine qu'ils sont assez vieux, ces enfants. Je sais pas. Parce qu'à 4 ans, tu donnes pas de ça café doit pas. À ton enfant. Ouais, non. Mais pour moi, ça veut quand même dire pas mal qu'ils soient tout le temps équipés en ce café-là. Ça veut dire que ça doit être pas mal bon, j'imagine. Peut-être. Je sais pas. Donc, on si on regarde. Ben oui. Ah, j'ai déballé la boîte pour regarder les instructions parce qu'il n'y a pas les instructions sur la boîte. Fait qu'il va falloir que tu fasses semblant qu'elle était tapée. Okay. C'est bon. T'aurais pu juste pas le dire aussi. Ouais. Moi, ne pas dire des choses en ondes. Est-ce que tu me connais? Transparence. Vrai livre ouvert. La transparence est mon deuxième nom. Donc, ça dit sur le côté, remuez-le, sirotez-le et aimez-le. Ben là, on a un petit problème par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien amené pour remuer. Ben t'as le temps. Toi aussi. Je suis en train d'animer. Ah, OK. Hein? Non, tantôt, Stéphanie a dit moi, en tout cas, moi, si j'avais fait cette chronique-là, moi. Je serais arrivée préparée. J'aurais amené mon eau chaude dans un thermos, moi, avec une cuillère, moi. Mais moi, je suis pas de même. Je suis à brûle pour point improvisation. On tient à remercier, justement, en fait, Joe de la Chasse-Galerie de nous avoir fourni 4 verres et un verre d'eau chaude. Merci. Est-ce que tu penses qu'on pourrait ambitionner avec des petits bâtons? Justement, tu dis à brûle pour point. Moi, j'ai peur du verre d'eau bouillante. Ouais, c'est sûr, on va s'ébouillanter quelqu'un. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. Juste faire le transfert dans les autres verres. Tu sais, il y a une fille à la chasse-galerie ce matin. Là, c'est pas pour rien que Joe est à la chasse-galerie ce matin. C'est parce qu'elle est partie. Ah, c'est brûlé. Et c'est ébouillanteux. Donc. Tu m'as dit que tu voulais que j'aille chercher ça. Est-ce que tu veux jaser avec Steph? Ben oui, pourquoi pas. Pendant que je vais chercher ça. OK. Ça ferait différent. Va chercher comme 3 petits bâtons de bois. Là. 3 petits bâtons coming up. Tu sais, t'as pas besoin d'y demander. Il devrait déjà être là. Puis un entonnoir. Oui. Amène un entonnoir. Un entonnoir aussi pour pas qu'on s'ébouillante. Hey, c'est chaud, là, en plus. Mais j'en doute pas. Je veux dire, même le café est chaud à travers le verre de semi-styrofoam. En fait, je vais te laisser y toucher, là, juste voir, là. Comme l'amener ici, il était temps que j'arrive. Mais moi, je suis du genre à avoir les mains très feluettes. Moi aussi. Fait que la bouche aussi, en fait, mon chum boit son café comme bouillant, puis moi, il faut que j'attende comme 20 minutes d'auto encore pour pouvoir commencer mon café. Lui, il a fini. Moi, je commence. C'est la même chose pour moi. Je suis pas capable de commencer un café comme ça, là, dès du moment qu'il me le donne. Ben c'est non. Trop chaud. Ben non, t'es comme une demi-heure. J'avais un thermos. Ouais. Et il garde tellement bien la chaleur que j'ai déjà été obligée de commencer mon café 2 heures après l'avoir mis dedans. Ben c'est comme le nouveau thermos à Mathieu, là. Je l'ai mis dedans à 10h le matin après l'émission, lundi. Il garde très, très chaud, maintenant. Et à 14h, j'ai enlevé mon bouchon et il y avait encore de la fumée. Ben moi aussi, tu peux le boire toute la journée, sauf que quand tu te fais un café à 8h, c'est parce que t'as le goût de le boire à 8h. Ouais, exact. Mais ce que j'ai compris que je dois faire, c'est juste enlever le couvercle pendant à peu près une quinzaine de minutes, puis c'est assez. Après ça, je remets le couvercle puis il reste à cette température-là. Hein? Pas pire quand même. Ouais. Hein, c'est de même. Donc, je suis revenu avec 3 bâtons oui. que j'ai donné à Tania et Stéphanie s'en est pris un. Merci. J'espère que ça va bien aller avec tout ça, hein, parce j'espère que là, aussi. On était en train de lire la boîte. Ça dit double coup de cœur. Vous pouvez aussi essayer les saveurs Nescafé crémeux et sucré vanille française. Ah. Je sais pas, je l'ai pas vu. Fait que j'ai pris l'original. Ah, c'est correct. Ça vous va, ça? Bon. Avoue que tu aurais pris vanille française. J'aurais pris vanille française si je l'avais. Clairement, moi aussi. Bon, ça parle des œuvres de bienfaisance de Nescafé de l'autre côté. Ça montre qu'il y a 18 sachets quand même pour en spécial pour genre 4$ au lieu de, je pense, 8, 9 ou plus que ça. Ah, c'est bon. Ouais, c'est acceptable. C'est acceptable. Ça a bien le sens. Ça dit 90 calories par sachet. C'est un mélange à café instantané. Les sachets ont 22 grammes chacun. Ça dit crémeux et sucré. Et le crémeux a une étoile. OK. Qui fait référence à en bas de la boîte qui dit goût crémeux. OK, fait donc, que c'est pas crémeux. OK, donc il n'y a pas de crème, mais ça coule en bouche comme si. C'est drôle quand même, une étoile pour ça. T'sais. Mais ouais. Ça valait la peine de le préciser, pas qu'on pense que c'est crémeux. C'est de la crème en poudre. Tu sais, ça aurait pu. Du lait en poudre, ça existe? C'est vrai. Il n'y a rien d'autre, donc je peux te donner la boîte. J'ai lu tous les côtés qu'il y avait à lire. Le garoche-la pas parce qu'on veut pas s'ébouillanter, non, nous non. Ici. Tu vas te lever. Je suis encore essoufflé de tantôt. C'est lourd. Oui, c'est quand même lourd. Il y a 22 sachets. OK, je pensais que tu parlais des propos à Mathieu. Ou encore de Mathieu en général, parce qu'il fait juste marcher. Et c'est... J'ai comme... Oh non, ça fonctionne pas. J'allais comme coller une étiquette dessus. Mais on va la réouvrir. Mais... Au moins, si la petite boîte est brisée, on va quand même entendre le sachet se faire ouvrir. Donc, on n'est pas perdant. Là. Es-tu prêt, Mathieu? Oui, je suis. Eh boy, c'est un sachet, les amis. Oui. Plein de poudre. Combien? 22 grammes, t'as dit? 22 grammes. Tu sais que ça prenait des ciseaux. Mais non, prends tes dents. T'es pas sérieuse avec les ciseaux, là. Non. T'es vraiment sérieuse? Est-ce que c'est un sachet pour un café ou c'est un sachet pour... Les instructions sont sur le sachet en tant que tel. Mais il y a certainement une fente, là. Ça n'a pas le choix qu'il y ait une fente dessus. Verser, ajouter de l'eau chaude. 245 millilitres. Verser avant de mettre l'eau chaude. Ben, c'est pour ça que j'ai demandé 3 verres vides. Mais là, on n'aura pas la bonne quantité d'eau dans chacun des verres. Je comprends pas pourquoi ils sont en rabais, parce que c'est bon jusqu'en octobre 2018. Quand même. Donc, non, mais c'est vraiment pour nous le faire découvrir. Et t'as un bon point, Stéphanie. Joli. Par contre, t'as trouvé la petite twist pour l'ouvrir, mais je suis certain qu'il y a personne qui va mesurer dans une tasse à mesurer la quantité. Donc, estimez-le, c'est combien qu'on met de millilitres, 250. Je suis pas mal sûr que ce que je vois présentement, là, c'est que les cristaux de sucre. Ils sont blancs, quoi? Il y a du blanc et du brun? Ouais. Il y a pas mal plus de blanc que de brun. OK. Mais ça, en fait, tu dis c'est pour une tasse, c'est ça? 250 millilitres? C'est ça, une tasse? J'imagine. C'est écrit dessus, non? Normalement, c'est ça. Ça veut dire qu'on va avoir besoin... 245 millilitres, c'est même pas une tasse. C'est pas tant. Ça veut dire qu'on a besoin de 2 sachets facilement pour... Pour remplir notre verre. Remplir pas le verre oui. au complet. Là. Fait juste prendre... Non, non, on n'a pas tant d'eau, de toute façon. Hey, mais on a le double d'eau. Ah! Donc, on a besoin de 2 sachets pour nos 3 verres. Oh, hey, ça sent bourde. Ça va être de la chimie, on va là, faire. Là, je vais essayer de verser la chose sans faire de dégâts, OK? On fait des expériences à la radio. De toute façon, moi, je veux que ça goûte, là. Oui, ce serait le fun. Tant qu'à shaker. Là, je pense que je suis arrivée à 245 millilitres, là. À l'œil, je suis pas certaine de ce que ça donne. plus de poudre pour faire plus de job. Faire plus de job pour faire plus de poudre. C'est quoi la toune, déjà? Je me souviens pas. Mais je te dirais que ça se brasse bien. OK. Comme du chocolat chaud ou comme... Pas comme du café instantané d'habitude. Non, ça se brosse mieux que du café instant. Okay. Oui, c'est plus poudreux quand même, hein, ouais. Dans le sachet. Ça ressemble à du chocolat chaud, en tout cas, là, je t'ai vu verser un petit peu. Là. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup à du chocolat chaud. Ça sent bon, honnêtement. Okay. Un coup que c'est brossé. Est-ce qu'il sent un goût crémeux? Oui. Je te dirais que oui, Mathieu. Merci, Steph, pour le super mélange. Hey, c'est drôle, quand tu le regardes visuellement, on dirait clairement café du Tim, genre. Café du Tim? Non, mais c'est un café que t'as mis un petit peu de lait dessus, là, tu sais. Ah. Mais je te dirais qu'il faut que tu grattes un petit peu le fond pour que ça se dissolve vraiment. Ah. Je sais pas si ça se dit en français, je sais pas, mais ça, c'était beau. Oui, ouais, OK. Ouais. Mais non, moi, mes graines sont plus là. Ouais, OK. Tes oeufs foirés. Toi, t'as-tu mis un sachet dans deux verres? J'ai mis un sachet dans mon verre, puis j'ai mis la moitié de l'eau. Puis je l'ai reséparé dans l'autre verre pour donner à Mathieu. OK. Je savais que ça ferait de la science à la fin. Moi, j'ai mis un sachet et de l'eau. OK. Fait que vous avez un sachet à deux. OK. Moi, j'ai un sachet seul. Un sachet à deux pour une plus petite portion. Oui, fait c'est que ça. Ça j'ai coupé l'eau. Ouais, là, OK, peut-être. Ouais. On a juste moins de café dans le fond. Ouais. Supposé. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être très sucré. OK. Ben, c'est. Plus que crémeux. C'est marqué ça... quoi sur la boîte? Crémeux et sucré, non? C'est ça. Ouais, mais ça sent sucré, mais tu sais, maintenant. Moi, je bois pas mon café sucré, donc... Non, moi non plus. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'on boit tous notre café noir en temps habituel? Moi, oui. Avec un nuage de lait. Un nuage. OK, un nuage de lait. Mais c'est drôle qu'ils appellent ça original et que c'est pas original. Original, c'est noir. Ça, c'est un crème sucre. Ouais. Tu sais. Mais bon. Mais c'est la version originale de cette... Ouais, mais mettons que tu veux un original original. Ben là, va te chercher du café instant. Hein? C'est comme quand tu vas chez Valentine, puis tu demandes un all-dress, puis c'est pas vraiment all-dress. Fait que faut que tu demandes un all-dress. Oui. Tu sais? T'en es pas revenu de cette histoire? Pas vraiment. Non, ça fait quoi, 4 ans? Quasiment. Ça fait depuis toute ma vie que je Il la compte vraiment souvent, en fait, je veux dire. Ah ouais? C'est pas passé. Mais n'êtes-vous pas d'accord avec moi? Oui, ben, on est d'accord. Non, moi, je prends mon hot dog ketchup mayo. Hey, moi, je mets rien dans mon hot dog. Une saucisse. T'aimes ta saucisse sèche? En fait, ça dépend. Des fois, je vais aimer ça. Non, mais c'est parce que je trouve que dans les restaurants, ils mettent beaucoup trop de ketchup ou de moutarde. C'est vrai. Mais tu pourrais demander peut-être de le mettre toi-même? Ben, quand j'ai l'option de le faire, je le fais. D'accord. T'sais? Mais d'autres fois, sinon, je suis comme, non, je veux rien dedans. Steph est vraiment genre, arrange-toi que t'es trop. Arrête de chialer et fais ce que tu veux. Hein? C'est hein, ça. Non mais... non, mais admettons que tu veux vraiment du ketchup et de la mayo dans ta hot dog. Oui. Tu sais? Non, prends non, ta place. Si non, tu veux un café, d'accord. Pas de lait, pas de sucre, mais c'est parce va t'en acheter. En fait, j'apprécie parfois le goût d'un hot dog avec rien dedans. Ouais. Parce que je trouve que, mettons, le ketchup, c'est très vinaigré. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que des fois, j'ai en tout cas... Ton petit pain mais... steamé? Oui. Steamé? Ah, oui. C'est vrai, on aime ça, ils disent toujours... essayer de conserver l'aliment son plus proche. Donc, t'aimes ça, t'es bien aller goûter la saucisse. C'est ça, exactement. Tous ces ingrédients. Fraîchement cueilli dans le jardin. Fraîchement fait. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ouais. Good. Donc, je sais on pas goûte? Si, est-ce que ça a eu le temps de refroidir? Parce que mon verre est très chaud, mais on va essayer quand même. Hein? Mais écoute, on ça va se brûler. Oh my boy. God, c'est sucré ça! Oh. Ça goûte vraiment plus le chocolat chaud que le café, je trouve. Je pense que ça vient de me réveiller plus que le café noir que je bois depuis tantôt. Mais ça goûte juste le sucre. C'est ben trop sucré. J'ai juste goûté à ça, ça goûte même pas le café. Ça goûte pas le café. Donc, en les fait. Gens qui mettent vraiment du café puis de la crème dans leur café, ça goûte ça. Ça goûte ça? Mais pourquoi tu bois ça? Ouais, un chocolat chaud, attends. Donc là, on va être sur un rush de sucre avec une haleine de café sans avoir même goûté le café, c'est ça? Ça ressemble... C'est un café comme... je sais pas, son... Non, il n'y a pas de café là-dedans. Ça goûte pas tant de café, hein? Wow! Ouf. C'est intense! C'est très intense, c'est concentré. C'est par Nestlé, on dirait qu'ils ont mis genre tout le sucre qu'il y avait pour faire leur chocolat, mais... Nescafé. Dans le café. Il reste douillant, ouais, si vous voulez en rajouter. Ouais, dans ouais, je pense que je vais diluer un petit peu... Je suis un peu loin pour ça, malheureusement, mais... Il reste plus d'eau. Il reste plus d'eau, bon. Fait que... Gâtez-vous, les filles. C'est pas mauvais, une mais... Une fois dilué, attends, on va te donner un... Tu sais, les 22 sachets, là. Ah, ben là, ça goûte vraiment l'eau sucrée. T'es passé d'une extrême à l'autre. C'est délicieux. Hey, c'est vraiment ça. Oh. J'ai envie d'aller genre à la chasse-galerie puis pitcher les sachets à tout le monde. Gâtez-vous, écoute, j'en si jamais vous voulez du café, on est au bureau de Tifou. J'ai envie de retourner voir ma pharmacienne puis dire, hey, t'sais, t'aimes ça? Mais hein? Toi, t'aimes pas le goût du café ou t'aimes juste le sucre? Mais clairement, demande-y, quand tu vas au Tim, tu mets quoi dans ton café? C'est sûr qu'elle dit 3 crèmes, 8 sucres. Ça a pas le choix. Wow! Ça peut pas goûter le 2 lait, 2 sucre, cette affaire-là. Là. Je comprends pas, c'est vraiment, là. Je comprends pas. Je pense que ma belle-sœur aimerait ça, elle met 4 sucres dans son café. Ben... Je pense qu'il faudrait tester avec quelqu'un qui prend du café avec du sucre. Mais ouais. C'est ça, vous autres, vous le prenez noir? Ouais. Oui. Ça? Moi, le vrai goût du vrai c'est café. C'est assez extrême. Au moins, je mets un peu de lait. Moi, au moins. Non, mais je veux dire, non, mais en je suis moins loin de tout ouais, ça que ça. Vous autres, mais... Ouais. En termes de sucre, là... Tu sais, ce matin, je bois un café genre au chocolat, mais tu sais, c'est un café genre brésilien ou quelque chose de classe. Ouais, là, oui, ça, mais ça chocolat goûte, noir, évidemment. Ça goûte, exactement, ça, ça goûte le café d'origine purasse. Mais ça, je vais regarder si il y a du café dans les ingrédients. Bonne question. Ah, devinez c'est quoi le premier? Sucre. Sucre. Le deuxième? Sucralose. Glucose. C'est glucose, le deuxième. Après ça, ben il y a de l'huile. Ah, le café, il vient en quatrième. Après, le sucre et l'huile. Hey, c'est... Il y a de l'huile? Une belle recette. Mais oui, de l'huile en poudre. Hey, de l'huile hydrogénée, donc de palmiste et copra. Fait que c'est plein de bonnes choses copra, pour la santé. Copra cabana. Ouais, c'est ça. On a le lait qui vient après le café. Mais ça goûte, ça sent même pas le café. Non. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis très, très déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que j'avais essayé, comme on a dit tantôt, les Via de Starbucks qui goûtaient vraiment pareil comme le café Starbucks, c'est-à-dire du café de quand même qualité. Ça, c'est la même idée, mais pas la même exécution. En tout cas, je me demande vraiment pourquoi il est à 75% de rabais. C'est ça. Ça doit pas se vendre même. Hein. Doit être pour ça. Mais je te dirais que si je préfère boire un chocolat chaud ou ça, peut-être je vais plus opter pour ça. Pour vrai. Ah! Ouais. Mais avec pas mal moins de sucre. C'est fait pour ceux qui prennent leur café comme ça, c'est pas fait pour nous autres. Peut-être que vous allez l'apprécier, essayez-le. J'essaye à chaque fois, là, ça fait comme 5 gorgées que je bois, non, je suis plus capable. J'essaie de m'habituer, mais on continue quand même, hein? Ouais. Ça reste du café. C'est comme de la drogue, là. Les espressos à la cafétéria sont vraiment dégueulasses, mais on les a... Non, je les ai pas finis. Non, on les a pas finis, on les a chutés, Mathieu. Entre ça puis de l'eau de vaisselle, je crois que je préférais l'eau de vaisselle. Yark. Donc, c'est bon, on est quand même au-dessus du café de la cafétéria. Oui. Pas dur à battre. Ouais. Bon. En fait, on n'est pas loin du café vanille française de la cafétéria. Pas fou. Donc, pas de vanille. Mais je suis certaine si on rajoute une petite touche de vanille dans ce café-là, on aurait notre vanille française. Probablement. Qui serait quand même bien équilibré. Ouais. Ça doit être ça la recette de l'autre. Mais l'autre même formule. Mon vanille française, quand je vais dans un magasin de café m'acheter un vanille français, je demande tout le temps moitié café pour couper le sucre parce que c'est beaucoup trop de sucre pour moi. Donc ça, faudrait que je le coupe avec du café. Ouais. Ah, tu sais, avec du vrai café. Tant qu'à ça, ben fais juste t'acheter un vrai café. C'est ça. Puis rajoute un peu de sucre. C'est ça. Ça va revenir au même. Donc moi, je mets le pouce en bas, clairement. Ouais, moi avec. Steph. Ah, tu veux le savoir? Mon opinion pouce en haut, encore. Pouce sur le côté ou pouce en bas? Je sais pas si t'es au courant. En bas. Ben oui, je vous écoute quand même. Hein. Merci. J'ai pas arrêté. Mais, tu sais, honnêtement, pour quelqu'un qui boit son café de façon très sucrée et très lait, probablement qu'il aimerait ça. Peut-être. C'est vrai. Oui, je nuancerais, je pense, avec le pouce sur le côté. Mais pourquoi personnellement? Parce qu'on n'est pas le public cible. Non, mais c'est ça. Je pense pas que ce soit nécessairement un mauvais produit pour autant. Mauvais produit, bon, dans les ingrédients, oui, mais si t'es pressé le matin, puis que ça... C'est sûr, c'est ça te réveille. Oui, ça, c'est certain. T'as ton boost pour la matinée. Une gorgée, là, ça m'a ouvert les yeux, mon gars. C'est comme des 30 sous. Non, mais chacun a des codes différents. C'est Tania, tantôt, Stéphanie, tantôt, sa chronique télé, elle a noté sur les patates. Nous, c'est pouce en haut, pouce du côté, pouce en bas. Mais d'habitude, moi, c'est sur mon opinion personnelle. Moi, est-ce que j'en rachèterais? Mais j'avoue que ça pourrait être aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux autres? Tout le monde a Mais moi, je le recommande à des gens qui boivent leur café très sucré. Voilà, la nuance. Toi, si t'es du genre à mettre vraiment beaucoup de sucre, je te conseille ça. C'est ça. Si tu le prends en noir, oublie ça. Vraiment? Va pas là. Achète pas ça. Bref, je pense que j'y retournerai pas trop souvent. Si tu veux en amener à ta sœur, belle-sœur, cousine, je sais pas quoi, gâtez-vous là, à Noël, 3-4 petites pochettes de pain. Je pourrais les faire goûter avec des gens qui boivent leur café sucré. Fais ça, c'est les gens qu'on juge. À qui on parle sur un ton condescendant. C'est ça. Comme ceux qui vont chez PFK, chez PIFK. Comme je les appelle, PIFK. Est-ce que vous avez entendu parler de la reconnaissance faciale qui s'en vient pour payer son poulard? Non. Son poulard. J'ai entendu parler de la reconnaissance faciale pour ouvrir son téléphone, mais... oui, sur le prochain iPhone 10 à 1700$ taxes incluses. Pas pour payer son poulet frit. Mais ça veut-tu dire qu'il faut tailler une face de poulet? C'est ça. Seulement les poulets peuvent commander. Exactement. Donc, l'enseigne de restauration PIFK a lancé en Chine un système de paiement futuriste à reconnaissance faciale à l'heure où le pays asiatique fait de plus en plus appel à cette technologie. Le dispositif mis en place par la chaîne spécialisée dans le poulet frit permettra aux clients d'un restaurant de la ville de Hangzhou de passer commande via un terminal tactile, tout en gardant leur portefeuille dans le sac. Le groupe de restauration Hume, propriétaire des marques KFC, PFK et Pizza Hut, s'est associé avec le système de paiement mobile Alipay, filiale du géant chinois du commerce électronique Alibaba, pour concevoir cette nouvelle technologie. Yum Shin décrit ce dispositif comme une première mondiale. Concrètement, le terminal de commande compare les visages des clients avec la photo présente sur leur compte Alipay pour valider le paiement. La Chine fait figure depuis quelques mois de laboratoire pour la reconnaissance faciale, donc c'est une nouvelle idée qu'on essaie. C'est tant qu'à avoir les terminaux électroniques et passer ton téléphone ou ta montre dessus. Ouais. Si t'as même pas besoin de faire ça et que ça détecte ta face. Mais là, comment ton visage est connecté à ta carte de crédit? À ton compte Alipay, filiale d'Alibaba. Fait qu'il faut que t'ailles genre chez Alipay te faire scanner la face? J'imagine que ton téléphone scanne ta face pour Alipay pour faire des paiements, puis une fois que ton téléphone est enregistré dans ton compte, ta face enregistrée dans ton compte, la face est comme... c'est tellement... Un peu comme les empreintes. Ouais. Les criminels. Je suis pas rendue à ce lâche encore non, c'est pour ça. Vouloir sortir ma carte. J'aime ça, ne pas être obligée de faire mon NIP oui. avec le PayPal. Mmh. Ouais. Mais est-ce que vous avez essayé avec... vous avez pas encore le téléphone qui a ça dedans? Non. Non, bon. C'est le fun. De payer avec ton téléphone? Oui. Vraiment le fun. On continue avec toujours PFK, PIFK qui dévoile un aperçu de l'avenir de la commande au volant. Et si c'était possible de célébrer la fête nationale du poulet frit en compagnie du fameux Colonel Sanders, le fondateur de la chaîne PFK. C'est donc l'idée derrière la nouvelle création de l'agence Whedon & Kennedy. C'était le 6 juillet dernier. Whedon & Kennedy Lodge, filiale de design et d'ingénierie de l'agence, a dévoilé Harland avec des points en chaque, H-A-R-L-A-N-D, un robot animatronique capable de prendre les commandes à l'auto des clients grâce à une technologie de reconnaissance vocale. Alors que le projet a réellement été testé en succursale, un vidéo documentaire réalisé avec Funny or Die montre l'aspect humoristique et légèrement décalé du projet, nous dit-on. Donc c'est la même agence qui avait dévoilé quelques semaines avant une créature des mers robotisée pour une campagne de Old Spice. Donc c'est un Colonel Sanders. C'est animé. Moi ou le colonel, il a comme changé? Mais il est pas beau. Non. Il n'a jamais été beau. Mais de la campagne depuis quelques années. Mais il est comme rendu maigre. Ouais, ben c'est ça. Ils ont comme changé de. Il a arrêté de manger son propre poulet. C'est poulet. Ça. À chaque quelques semaines, l'acteur qui joue le colonel à la télé change. Oh, c'est ça ouais. qui est cool quand même. Ils ont un principe de genre le colonel riche, le colonel ci, le colonel ça. Le colonel Luther, mais. Ensuite, une femme a utilisé une application pour commander du Domino's pour la première fois de sa vie. Hein, ça arrive, la technologie, des fois, ouais. tu dis « Ah, crime, je vais commander ma pizza avec mon téléphone. » Ben oui. Elle a oublié la sauce et le fromage. Ah non. Elle s'est fait livrer une croûte et du pepperoni. Sérieux? Je te jure. Pourquoi est-ce que personne s'est dit au restaurant « OK, on va l'appeler ouais, pour ça. Y demander. » c'est la mère du musicien B.J. Stead qui a posté ça sur Internet. Apparemment, elle a oublié de cliquer « sauce et fromage » dans la construction de sa pizza. Mais c'est parce que automatiquement, tu penses que le pizza, ça vient avec de la sauce et du fromage? T'as pas à préciser d'habitude, pour vrai. Là. Oui, mais si le principe, c'est de construire toi-même ta propre pizza... Est-ce ouais. qu'il y a d'autres options de sauce? Est-ce que t'as des choix de sauce? Probablement, il y en a juste une. Parce que souvent, à l'épicerie, pis t'achètes juste une pâte, puis pepperoni, puis t'oublies la sauce, c'est la même affaire, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est ça, la même affaire. Ensuite... Non, mais tu y retournes dans ce temps-là, quand t'arrives chez vous. Est-ce que vous écoutez un petit peu Saturday Night Live? SNL? Non? Non. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a 15 ans, il y avait eu une parodie, ça s'appelait Taco Town. Dans mm-hmm. SNL, et c'était genre un burrito enveloppé dans une crêpe, enveloppé dans une pizza, enveloppé dans une... Puis là, ça continuait sans cesse, puis c'était livré dans un sac avec de la guacamole dedans. Genre, c'était comme tout en même temps. Et ben justement, le chef Andrew Ray sur YouTube, sur la chaîne Binging with Babish, a recréé cette monstruosité de l'épisode de 2005 pour Taco Town. Allez voir, ça a l'air délicieux, surtout le sac avec la guacamole. Ensuite, Heinz a développé le Chicago Dog Sauce pour la ville qui ne veut pas mettre de ketchup sur ses hot dogs. Un peu particulier, c'est hein? Ta ville, ça? C'est ta ville, oui, ouais, c'est ça. C'est trop vinaigré. Exactement. Donc, Chicago Dog Sauce, c'est une sauce à base de tomates. On espère là-bas que les gens vont mettre ça sur leur hot dog avec leur moutarde jaune, leurs oignons, leurs cornichons, peu importe. Donc, la Chicago Dog Sauce est disponible pour un temps limité pour 5$ plus shipping sur chicagodogsauce.com. On la teste avec un échantillon à Chicago un petit peu partout. Vous pouvez aller voir les réactions des gens sur assemblagerequis.com. Mais les gens mettent pas de ketchup, fait qu'on remplace ça par d'autres choses. Mais ça reste pas mal du ketchup. Mais ça s'appelle pas du ketchup, peut-être que les gens vont en mettre, on sait pas. McDonald's, on revient un petit peu plus santé, va offrir des... vraiment santé, là. McDonald's, tu sais. Mathieu, on se calme. Ils vont offrir un nouveau burger, kale et sriracha. Ah, ben oui, c'est oui. santé, oui, parce qu'il y a du kale. C'est, il doit être frit. C'est du kale frit. Donc, c'est des chips de kale. La nouvelle date un petit peu, mais justement, peut-être que ça va vouloir dire qu'on est plus proche au Canada d'en avoir un jour. Donc, c'est leur signature sriracha option. C'est dans leur lignée de burger signature. Donc, sauce Big Mac au sriracha, oignon croustillant, épinard bébé. Okay. Et du kale, chou frisé, tomate et une tranche de fromage cheddar blanc. Pour aller avec leur petit pain et leurs boulettes. C'est la première fois que McDonald's ajoute du kale à leur sandwich au niveau national. On le retrouve présentement, le kale, seulement dans les mélanges de salades chez McDonald's. Selon la compagnie, la nouvelle saveur sera accompagnée d'un autre burger pico guacamole et sweet bacon barbecue sur leur menu. Ce qui veut dire que le Maple Bacon Dijon s'en va aux États-Unis pour l'instant. Il y a aussi une sauce Big Mac au sriracha qui va être disponible en tant que sauce pour tremper vos McCroquettes et vos frites. Oh! On parle de menu signature. Tu te souviens à quel point on était excités du œuf McMuffin BLT? Oui, c'est bon. Bien, Mathieu, il est plus là. Ah, mais tu peux demander quand même un œuf McMuffin puis faire ajouter ça à la tomate. Ils te le font pas? De quoi ils te le font pas? Ils me l'ont refusé l'autre matin. Ben là, qui me donne un extra de 50 cents. Parce que j'ai demandé un œuf McMuffin BLT. Là, la jeune fille à la commande à l'auto, elle me dit « Ça n'existe plus! » C'est ça, c'est ça. Et j'ai dit « Ok, donne-moi un œuf McMuffin bacon puis ajoute de la salade et une tranche de tomate. » Je peux pas faire ça. Je te jure, si tu vas à l'intérieur au petit présentoir et que tu fais ajouter salade et ajouter tomate, ça va marcher. Fait que je peux. Ça, c'est pas que ça se fait pas. Ça se fait, je suis sûr. Mais ils veulent pas le faire à la commande à l'auto. Tu peux faire ce que tu veux, sa machine. C'est injuste. Les machines ont dépassé l'humain. Mais ça devait être une nouvelle. Ouais, peut-être. J'étais vraiment triste en fait que le BLT disparaisse. Ouais, comme c'est ça. Triste. Il est resté pendant si peu de temps. Comment tu laisses la machine, je te jure, ça va marcher. Je vais faire ça le prochain coup, je vais rentrer à l'intérieur. Voilà pour une grosse boîte à l'adresse. Les liens sont dans les notes de l'émission numéro 1124 sur assemblagerequis.com. Et nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se quitte là-dessus rapidement, même quand même. On va défoncer sinon. Mm-hmm. Donc, restez sur nos ondes pour la prochaine émission qui s'en vient. On parle de Patriotes en action qui commence à 11h avec Marc-Olivier Dumas. Ensuite, Taïa et moi serons de retour pour les Palmarès Cifou à partir de midi. Puis plus tard en soirée à 19h, il y a Trailblues à Cifou. Est-ce que tu nous donnes un petit avant-goût de ce qui s'en vient? C'est la première de la saison ce soir? Oui, tout à fait. Première de la saison. Ils vont être en direct du restaurant Mama Pasta. Mama Pasta. Pendant 3 heures, plusieurs chroniqueurs vont être là ce soir. Ça va être très festif aussi, j'ai comme l'impression. Donc, amusez-vous et écoutez du blues ce soir. Superbe. C'est très blues, ça se fout à partir de 19h. Merci Stéphanie Paradis. Merci de m'avoir invité. À dans 2 semaines. Merci Tania Bollin. Merci Mathieu Plante. Et on se retrouve ce midi. Là. Ouais, c'est ça. Bon vrai café. Oui, bon vrai café. Oubliez pas, demain, 7h à 10h, les meilleurs moments de la semaine. Oh, ça va être bon. Et ça repart les dimanches à 15h. C'est une nouvelle information que j'annonce pour la première fois, donc c'est vrai. Soyez-y. Manquez pas ça.